Michael à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Michael est en direct sur Fun Radio. Radio. Tout à fait, ouais. 6h27, bonjour tout le monde. C'était le warm-up qui reviendra évidemment demain entre 6h et 6h30. Sous réserve que nous fassions une bonne émission aujourd'hui, ça tombe sous le sens. Julie, elle est également en pleine forme. Salut à tous. Oh là là là là, cet excès de sourire là. J'en peux plus. Ouais, bah déjà, t'es arrivé à la radio ce matin, là, c'est toute joyeuse, alors que nous, on était en train de dormir quasiment. Hein, mais j'essaye de mettre de l'ambiance ici, il faut bien quelqu'un. Ouais, non, mais à 6h, c'est quand même très dur hein, d'arriver à mettre de l'ambiance. Bah, c'est pour ça qu'on démarre à 6h30 en direct, tu vois. Comme ça, on a le temps de s'échauffer. C'est notre warm-up à nous, tu vois. On se warm-upise nous-mêmes. En fait, on s'écoute et on se branle en s'écoutant, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est génial ce qu'on fait. Voilà, merci, top, ça commence. On bien. Est plus le soir. Hein. Oui, enfin, ça va. Oui, non, bah justement, ça ne va pas. Bon, top, Fabien, justement, vous avez pu l'entendre en pleine forme. Et puis, bah là, apparemment, c'est les mêmes pictogrammes qu'hier sur RTL au niveau de la météo. Si vous étiez avec RTL, toi, bah, hein. Si vous étiez, parce qu'on met pour avoir les infos éventuellement, tu vois, on met la télé. Donc si vous étiez là hier, on avait vu qu'il y avait des pictogrammes pour la météo qui disaient qu'à Charleroi, il y avait un gros nuage avec de la pluie et du soleil. À Arlon, c'était un gros nuage noir avec un panneau attention de signalisation. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était que de la merde, puisqu'en fait, il faisait beau vraiment dehors et que Julie avait raison. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont les mêmes pictogrammes qu'hier, en fait, tout simplement. Donc cherchez l'erreur. Hein. La conclusion, elle est à la télé. Écoutez Fun Radio, oui, voilà. Oui, en toute simplicité, effectivement. Bon, bref, ce soir, je disais parce que justement, je disais à Top qu'on n'était pas le soir. Ce matin, pas mal de choses. On aura la blague du jour qui va débarquer d'ici quelques instants. On appellera, Top appellera des gens afin de les emmerder, autant le dire, hein, tel que c'est. Je suis quelqu'un de très sympathique. Oui, bah, bien sûr. J'appelle ces gens par amitié. Et c'est ça, oui. On aura aussi la ligne anti-relou. Message que vous pouvez laisser, bien sûr, au 0473 86 0013. Je parle au relou, bien évidemment. En tout cas, c'est le numéro que vous pouvez donner à tous les relous de Belgique. On paiera vos factures également. Ce sera tout à l'heure. On jouera au petit déj service. Et pour payer vos factures, bah, vous pouvez vous inscrire comme 24h sur 24 sur Fun au 6322 en débutant le message par facture, en mettant le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis, comme chaque matin également, il y a la blague du jour. Et pour jouer à la blague du jour, vous pouvez aussi vous inscrire au 3044 en balançant vos blagues. Et nous avons Issam de Liège qui est avec nous. Salut Issam de Liège. Salut, et toi, ça va? Ça va bien et toi? Très bien, très bien. Bon, Issam qui est très fort sur le fanbook, puisqu'il il passe sa vie dessus hein, sur le Facebook. Donc sur facebook.com/emichaelofficiel pour aller voir Issam de Liège. Hein, il est là, il discute avec tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est ça Issam hein? Ouais, bah, voilà. Ouais, exactement. Il est là le soir avec Vince, il est là le matin avec nous, il est là après. Il ne dort jamais. Non, mais c'est ça, il est tout le temps connecté en fait. Ça nous demandait comment il fait. Bah, c'est parce qu'il est jeune. Hein. Ouais, c'est ça. Il est jeune et puis bon, la drogue, ça l'aide. Hein. Il y a peut-être de ça, il y a peut-être de ça. Bon, Issam de Liège, alors attention, t'es le premier ce matin pour la blague, on t'écoute. C'est Ouais, j'ai rien compris. Pas, tu sais quoi ton téléphone. Ouais, parle moins près. C'est Zizi et Foufoune qui sont au resto. Non, j'ai rien compris, c'est quoi Zizi et Foufoune qui sont au resto. Ah, d'accord, ok. Oh là là, évidemment, ça, Tof, il comprend. Hein. Ah, ouais, ça m'étonne pas, tiens. Et donc après, vas-y, ouais. Non mais attends, Issam, sans déconner, on t'entendait bien au début, et maintenant on comprend plus rien, tu mets ton téléphone dans ta bouche. Bah, retire-le ou enlève le kit main libre. Il n'y a pas de kit main libre. Ah, bah, c'est encore pire. Bon, alors recommence. Exactement. Zizi et Foufoune sont au resto qui payent l'addition. Ouais. C'est Foufoune parce que Zizi est raide et que Foufoune a liquide. Zizi et Foufoune sont en voiture et se font arrêter pour un excès de vitesse. Ouais. Qui paye l'amende, c'est Zizi parce que Foufoune est en règle. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Bah, ils font bien, hein. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Voilà, et à cause d'Issam de Liège, je vais être en retard, hein, c'est quand même con. Ah bah tiens, c'est pas ta faute. 6h30, hein. Non, pour une fois, c'est pas la mienne. 6h31, bienvenue tout le monde, c'est Mickaël à la radio, nous sommes jeudi aujourd'hui le 11 août et nous faisons un tour du côté des infos avec Julie. Salut à tous, la tension est à son comble sur les marchés alors que l'on s'acheminait en Europe vers un rebond. Les places financières ont subitement paniqué à 2h de la clôture hier. La nervosité est à son comble par la multiplication de rumeurs de dégradation de la note de crédit de pays européens comme la France ou de faillite de certains certaines banques. En deux jours, près de 900 milliards sont partis en fumée. À Londres, le Premier ministre David Cameron a annoncé la riposte, la mise en place à la disposition de la police de canons à eau. C'est une première en Angleterre. Il semble que ça marche, pas d'émeutes la nuit dernière. Les condamnations rapides des émeutiers arrêtés refroidissent également les casseurs potentiels. Chez nous, le coût scolaire d'un enfant s'élève entre 1000 et 8000 euros, en tout cas pour l'année 2010-2011, tout niveau confondu. C'est ce qui ressort d'une étude de la Ligue des familles. Les frais liés au matériel scolaire, au voyage, au repas, à la remédiation et aux études supérieures sont pointés du doigt. La Ligue, qui constate toujours la non-application de principes de gratuité, demande davantage de contrôle du décret sur les frais scolaires. L'emploi a progressé en Belgique. 270 000 personnes ont trouvé un boulot de 2005 à 2011, soit une augmentation de plus de 6%. L'emploi dans l'agriculture et dans l'industrie a continué à reculer alors qu'il a augmenté dans la construction et les services. Un tiers environ des emplois trouvés se situe dans les titres et services avec les jobs win-win. Plus de 60% de la progression de l'emploi concerne donc ces postes hautement subsidiés. C'est donc l'État qui paye une partie de l'emploi, ce qui coûte donc cher à l'État. La Formule 1 en Belgique, une fois sur deux, est plus qu'envisageable. Une alternance entre un Grand Prix en Belgique et en France une année sur deux est en discussion entre les autorités belges et françaises. Puis sport, les Diables Rouges n'ont pas réussi à s'imposer hier en Slovénie. Le score final est un nul, 0-0, malgré un but de Lukaku annulé pour cause de hors-jeu. Et je tiens juste à signaler également que les Espagnols champions du monde ont réussi à perdre, une fois de plus. Voilà, je n'en dis pas plus. 6h33, la météo. Les éclaircies seront de courte durée. Les nuages reviendront par la côte pour atteindre le centre du pays. Des pluies seront possibles. L'est et le sud de la Belgique seront normalement épargnés. Température pas plus de 20 degrés. Demain, pas mieux au programme. Fun Radio. Fun Radio. L'info plus à 6h33. Eh bien, récemment, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré les téléphones portables comme potentiellement nocifs. Eh bien, 5 jeunes étudiants autrichiens ont développé des sous-vêtements anti-radiation de se protéger des rayons émis par les téléphones mobiles et les ordinateurs portables. Ils les commercialisent pour 29 euros. Ah ouais, ça va. Oui, ça fait cher. Un caleçon à 29 euros. Ouais. Oui, voilà, ça fait un calbut bien cher, quoi. Mais bon. Bon, bah, très bien, la fois en plus. Et reviendra d'ici une petite demi-heure. Et puis, c'est Jean-Roch qui va débarquer là. Jean-Roch et Deluna in Florida. C'est I'm Right. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. 6h37 sur Fun Radio, c'était Jean-Roch. À l'instant, comme tous les matins, on est là en direct avec vous toutes et vous tous. 6h38 même maintenant, oui, je donne dans le détail. On aura tout à l'heure les factures qu'on va vous rembourser, évidemment. 63-22, débuter le message par facture, avec tout simplement le montant de la facture, avec l'objet de la facture également. Et puis si vous décrochez, eh bien on vous rembourse votre facture, c'est aussi simple que ça. C'est 1 euro par message. Et puis la blague du jour qui reviendra aussi tout à l'heure, dans moins d'une heure, là aussi pour les inscriptions, ça se passe au 30-44. Débuter le message par blague. Bon, et puis comme tous les matins, vous le savez, il se passe plein de choses dans le monde très particulier. Des gens célèbres. Hier, il y avait une mort et aujourd'hui, il y a une femme qui aimerait bien la mort de quelque chose également. Fun Radio, Info People. Bon, avec Julie également, c'est avec Rihanna que ça se passe. La reine du people. La reine du people, oui, Julie est à fond dedans, dans tous les soirs et dans les soirées people. Hein. Ah bah, Strass, paillettes, tout le bordel. C'est la reine de la coupe de champagne. Ah bah, ma vie n'est faite que de ça. Ah bah, elle bosse pas à Starty pour rien. Ah non, ça c'est sûr. Ah bah, c'est ça. Bon, alors, donc Rihanna qui a décidé. Bon, Rihanna, pas de problème. Ah bah, écoute, elle s'est lancée un nouveau défi. Elle a beaucoup d'ambition. Elle est bien déterminée à dépuceler. Oui, je t'interromps. Trouvez le con du jour. Le quoi ? Le con du jour. Ah, le con du jour. Oui, trouvez-le. À votre avis, qui est le con du jour dans l'histoire de Julie maintenant ? Voilà, qui est le con du jour ? Voilà. Eh bien, donc voilà, je répète, elle est bien déterminée à dépuceler Joe Jonas. Mais problème, le chanteur des Jonas Brothers, tout comme ses deux frères, porte une bague qui symbolise sa pureté et son désir de rester puceau jusqu'au mariage. Mais d'après un proche d'Iriana, elle semble très décidée. Elle lui envoie même des SMS très sexuels. Elle lui aurait même dit qu'elle lui offrirait la nuit la plus hot de sa vie. Voilà, moi j'ai qu'une chose à dire, comme Raymond. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Encore ! Merde ! Merde ! Voilà, ça n'arrive qu'aux autres. Et attention parce que le Joey Jonas, il se tape que des bombes. Hein. Ah oui, non mais que c'est un truc de fou. Le mec, il reste puceau, mais il est complètement court. Non, c'est pas possible. Parce qu'il s'est tapé la chanteuse là. Oui, comment elle s'appelle? Taylor Swift. Taylor Swift. Putain, c'est-à-dire que moi, je l'ai dans mon lit. Oui, c'est très bien. On a compris ce que tu allais faire avec elle. T'es bon. Il fait déjà avec ses gestes et tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. Non mais c'est exceptionnel. Rihanna, si tu nous écoutes, car elle écoute tous les matins, faut le savoir. Oui. Sur le streaming. Enfin, là-bas, il est 21h. Donc, avant d'aller en boîte, avant d'aller en soirée, hop, elle écoute l'émission. Et ça me fait bien plaisir d'ailleurs. Donc, Rihanna, c'est quand tu veux. Tu passes dans l'émission et puis moi-même est encore puceau. Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème, Rihanna. Si c'est ton fantasme peut devenir réalité à tout moment, n'hésite pas. Dans un instant, ne bougez pas de là. On va payer vos factures. On ira faire un tour aussi du côté de ce qui se passe sur les routes. Et puis, le moment que vous appréciez le plus, c'est la ligne anti-relou qui va débarquer sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Exactement, on est là tous les matins sur Fun Radio. Il est 6h44. Bonjour tout le monde et bon réveil. On fait un tour du côté de ce qui se passe sur les routes. Soyez prudents, il y a un accident sur la Nationale 4, Luxembourg, Arlon, Namur, en direction de Bruxelles, à hauteur de Ciney. C'est la bande d'arrêt d'urgence qui est obstruée. Très bien. Bon, si vous êtes témoin d'un petit problème sur la route, là, n'hésitez pas. Même si c'est des radars, hein, surtout les radars. N'hésitez pas à nous les signaler également. Vous envoyez vos messages au 3044 et puis, nous, évidemment, on fait passer. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou. 0473 86 0013. On vous passe les meilleurs messages. Et oui, c'est tous les matins qu'on vous passe les meilleurs messages. Alors moi car. Donc nous allons écouter les premiers messages maintenant. Je rappelle le concept du jeu. C'est. Du jeu, c'est pas vraiment un jeu. C'est-à-dire qu'en gros, c'est même la triste réalité. Et oui, monde est rempli la de dure réalité. Mais oui, la dure réalité, voilà, si jamais vous sortez en boîte dans un bar, en resto, n'importe quand, vous tombez sur un relou comme Top ou comme Sébastien Loeb qui fait la déclaration express, tombez sur quelqu'un qui est là, qui arrive, qui vous saoule. Non, pardon. Qui vous saoule, qui est derrière. Vous qui vous lâche pas de la soirée, ouais, tu me payes un verre, je t'offre un verre, t'es sûr que tu veux pas un verre? Oh mademoiselle, tu veux pas un verre? Oh t'es gentil. Puis après, c'est en général quand la meuf elle dit non, le mec il l'insulte, de toute façon t'es moche. C'est ça, l'orageux quoi. Et donc du coup, quand vous tombez sur un mec bien relou qui essaye de vous gratter votre numéro de téléphone, plutôt que dire non et du coup il va vous saouler toute la soirée, n'hésitez pas à lui donner le numéro de la ligne anti-relou 0473 86 0013. Et puis du coup, nous tous les matins on écoute les messages qui sont restés sur la ligne anti-relou. Pour l'instant, on en a beaucoup, comme c'est les vacances, il y a beaucoup de soirées. Alors écoutez bien le premier message qui est resté sur le 0473 86 0013. Et dis donc, Micheline, arrête pas de te sonner, messagerie. Dis donc, Micheline, réponds-moi, fais-moi un signe, un geste, quelque chose, c'est quelque chose, Micheline. C'est Johnny, rappelle de moi. Et on a passé un sacré moment. Quand j'ai dansé avec toi, tu sais, j'ai ressenti le feeling qui est entre nous deux. Oh, c'est pour moi, Micheline. Je ne quitte pas, Micheline. Ne me quitte pas, de quoi on n'est pas ensemble. Non, mais Micheline et Johnny, c'est quand même très dur. Hein. Ouais, non, c'est assez difficile. Hein. Je pense que les deux, ils s'étaient bien trouvés quand même, et Johnny. Il y a eu un feeling qui est passé, hein, c'est dommage. Faut que tu le rappelles. Non, mais Micheline et Johnny, c'est quand même très très violent quand même. Et puis l'autre, j'ai senti le feeling quand on a dansé. Mais oui, mais quel feeling la preuve elle t'a donné ce numéro. Bon, allez, deuxième message qui est tombé sur la ligne anti-relou, écoutons. Allô, papy, est-ce que je vais te déranger? J'aimerais simplement savoir quand on pourrait se voir. Ah, tu veux qu'on se voit, mais quelque chose pour qu'on se donne rendez-vous. Téléphone-moi, s'il te plaît, téléphone-moi. J'ai envie de te connaître aussi. Ce serait super de se connaître, non? S'il te plaît, téléphone. Il va pleurer? Surtout après 19h. S'il te plaît, téléphone. Et là, on entend. Non mais oui, on dirait qu'il est au bord de la falaise. Ah ouais, le mec il va se jeter. Appelle-moi sinon je saute. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc là ça donne pas du tout envie. Ils ont dû se voir une fois et le gars il est déjà au bord de la falaise. Ah ouais. Surtout après 19h. Ouais. Avant passe encore, mais après 19h c'est mieux évidemment. Allez, troisième message laissé sur la ligne anti-relou. Bonjour, Justine. C'est Gilles. On s'est rencontrés la semaine dernière, mais je ne sais pas quand tu pourras me rappeler. Je suis totalement perdu. Merci. Rappelle-moi beaucoup. Merci beaucoup. Rappelle-moi beaucoup. Ouais. Il a pas dit que je bonjour, Julie. Est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît? Il a pas aussi un peu des problèmes de rythme? Bonjour. Il ralentit, il accélère. Julie, j'ai senti directement le feeling. Quelle horreur. Est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît? Souviens-toi, on s'est vu hier soir, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre immédiatement. Et ces relous courent les rues, hein, ça fait peur. Bien sûr. Allez, viens, rejoins-moi. N'hésite pas, évidemment. Bon, allez, vos messages, vous pouvez bien sûr balancer tout ça au 0473 86 0013. La ligne anti-relou, tous les matins sur Fun. Allez, c'est Luna maintenant et vamos à la playa maintenant. Dis donc, je suis en train de parler pendant que tu chantes là, ça te dérange pas là? Hein? Non mais... Vamos a la playa. Dans un instant, c'est Elémi Fao qui arrive avec Natalia Kills. Ce sera Champagne Showers. Et puis, la question qui colle maintenant. La question qui colle, facile. C'est un peu le con du jour également. Qui veut dépuceler Joe Jonas? Bon, alors, pour vous le dire, la question qui colle, on l'avait écrite avant qu'on sache, évidemment, l'info people de Julie. Mais bon, après, c'est pas grave, on va tout changer non plus. Hein. Bon, bah si attends, vous avez... c'est un indice énorme que j'ai donné. C'est ah oui, bien, ah bah j'ai oui. aidé les auditeurs. C'est au-delà de l'indice. Si vous avez la bonne réponse, 30-44, bien évidemment, 50 centimes le message, on vous appelle en direct à la radio. Et puis, bah, on file des cadeaux, évidemment. Si la réponse est bonne, qui veut dépuceler Joe Jonas des Jonas Brothers? 30-44, bonne chance. Ouais, ils ont tellement bien écouté qu'ils proposent Britney Spears. Hein, ouais, donc, c'est vrai. Oh, c'est enfin, mal, bon. Ça, ils ne m'écoutent pas. Bon, bah, cela dit, je veux bien aussi. Hein. Qu'à l'époque, ouais. Elle était mieux. Par contre, Loana, je veux pas. Hein. Ouais. Ah oui, non, Loana, elle a pris un peu de poids. Hein. Ouais, elle revient faire régime en Belgique. Oui, elle a pris deux coachs belges. Oui, bah, elle a pris surtout 4 tailles. Hein. Non, non, mais elle reste en France pour faire son régime. Ouais, elle est à Saint-Tropez actuellement. Et même plus. Ah, c'est à Saint-Tropez qu'elle est, d'accord. Okay. Ah, ouais. Bon, Toff, tu vas encore te faire pardonner aujourd'hui comme hier ou pas là? Non, non, au contraire. Je pense que ce matin, je vais pas me faire que des amis. Ça me fait peur. Mais non, tu devrais pas, en fait. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire là. Il y a une grand-mère, en fait, qui a été mise dans une maison de retraite et qui voulait en partir. Elle a fugué, non? Non, non, c'est pire que ça, en fait. Elle a été mise dans la maison de retraite par la famille qui en avait marre de devoir s'en occuper et tout. Sauf qu'en fait, elle veut pas rester et donc elle a demandé à son petit-fils de venir à la maison de retraite et de l'emmener. Enfin, et de l'enlever. Et il l'a fait? Ouais, donc il l'a fait, et donc sauf que les gens qui gèrent la maison de retraite, en fait, ils ont cru à un enlèvement vraiment, et donc ils ont appelé la police, et toutes les polices de France se sont mis à la recherche de la vieille. Ah, c'est en France, ça se passe. Ouais, ça se passe en France. Ah, d'accord. Mais apparemment, c'est la cinquième fois qu'elle fait ça, non? Et ouais, parce qu'en fait, elle veut pas y aller, elle veut pas y aller dans la maison de retraite. La peau. Tu m'étonnes. Non, parce qu'après, on la voyait qu'elle râlait et tout. Et donc, elle était dans son canapé pendant que toutes les polices de France la recherchaient. Et tu veux faire quoi là-dedans? Je comprends pas très bien, en fait. Bah, ça m'a donné une idée, en fait. C'est-à-dire que j'ai pensé à cette famille qui avait des problèmes avec Mémé, et je me suis dit qu'en fait tout ce qu'il voulait c'était toucher l'héritage, et donc je voulais voir comment mais elle est pas morte. Non, justement, c'est ça. Donc en fait, on va appeler des vétérinaires pour voir s'ils peuvent euthanasier la vieille. Oh, oh là là là là là. Bon, on y va, on appelle où? On va Bertrie. Allez, hop, c'est parti, on y va. Je vais le regretter encore, mais enfin bon. Allô? Oui, bonjour, je suis bien chez le vétérinaire? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle pour savoir si vous pratiquez l'euthanasie. Mon mari, Edgar, juste pour ouvrir les bovins pour le moment, parce que mon fils et ma belle-fille sont partis. D'accord. Jusqu'à mardi. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas très urgent, hein, mais c'est parce que j'ai une grosse vache qu'il faudrait liquider. C'est toujours mon fils qui fait ça. Mais ah oui, parce que bon, c'est une vieille peau de vache, hein, elle a quand même presque 75 ans, donc... Ah bon, non, c'est Oui, voilà, je voudrais m'en débarrasser assez rapidement parce que j'ai un peu besoin d'argent, vous comprenez. Et donc bon, voilà, si je pouvais toucher l'héritage assez vite, ce serait bien, quoi. Je ne sais pas, mais vous êtes pas présenté là. Ah oui, pardon, je suis Monsieur Toff. Mais enfin bon, c'est... Ah oui. Voilà. Mais je préfère qu'on ait pas trop de contacts, parce que je voudrais pas que vous ayez des problèmes après, une fois qu'on se sera occupé oui, de... Oui, c'est un jeu... Bon, amusez-vous avec quelqu'un d'autre, ça vaudra mieux. Allez. Mais je ne m'amuse pas, madame, j'essaie de toucher mon héritage. Oui, bah allez chez le notaire, alors. Et pour ça, pour aller chez le notaire, il faut que vous m'aidiez un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vous aiderai pas. Allez, bye bye. Ah ouais, ça n'a pas eu le succès escompté, hein. Bien, c'est normal. En même temps, on s'attendait pas non plus à ce que ça marche, hein, mais. Ouais, mais bon. Bah, elle est pas encore trop choquée, hein, quand non, elle apprend quand même que c'est une petite vieille. C'est ça. Ça va, elle le vit assez bien. Ouais, bon, on réessayera. Je pense que vous vous moquez de moi. Ouais, un peu, ouais. Bon, non, on réessayera tout à l'heure. On va donner la réponse aussi à la question qui colle dans un instant. Qui veut dépuceler Joe Jonas des Jonas Brothers? Bah, n'hésitez pas à balancer vos réponses au 3044. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. En payant vos factures d'ici quelques instants d'ailleurs, hein, si vous voulez vous inscrire, 6322, débutez par facture, vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture, on vous appelle d'ici 5-10 minutes grand max. Et puis nous avons David avec nous maintenant pour la question qui colle avant de faire les infos. Salut David. Salut, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bon, bah, bienvenue à toi. Hein. Alors, David, t'appelles de Wallin, toi, donc pas loin de Rochefort. Hein. Oui, c'est ça. Eh oui, t'as vu ça un petit peu, je suis le top de la géographie. Non, mais c'est Tuff qui disait que c'était à côté de Bruxelles. Non, alors moi, j'ai pris Google Maps et Google Maps m'a mis un point juste à côté de Bruxelles. Alors ouais. Moi, j'ai dit, bon, bah, c'est à côté de Bruxelles. Et Sébastien Loeb qui disait que c'est à côté de Liège, je connais au top. En fait, c'est à Rochefort. C'est à 20 km de Dinan et à 11 km de Beaurain. D'accord, ok. Merci, Géoman. Oui, c'est ça. C'est bien. Bon, alors, David, t'avais la réponse, toi, à la question qui colle. Donc, qui veut dépuceler Joe et Jonas des Jonas Brothers? Rihanna. Et oui, c'est donc le con du jour, on l'avait dit tout à l'heure, hein. Julien avait parlé dans les infos people. Et ben bravo à toi David, tu ferais bien quoi joué. Si Rihanna arrivait en disant, t'envoyait des messages cochons en disant je veux te faire passer une nuit inoubliable, la nuit exceptionnelle, tu serais comme lui, c'est-à-dire con en disant non, je veux rester vierge jusqu'au mariage, ou tu te dirais bon, rien à foutre, moi j'y vais, moi, ça se propose pas tous les jours. Ah bah tu m'étonnes, ouais, comme tout le monde. Bon bah merci à toi David, en tout cas, tu fais quoi dans la vie au fait, tu vas travailler là? Oui, je vais travailler, je suis maçon. D'accord, ok, ouais, parce que là j'allais dire aussi, il est con s'il se levait si tôt s'il travaille pas, tu vois. Bon bah très bien, bah, bon courage pour aujourd'hui alors. Ça va, merci. Allez, salut à toi David. Oui. Bon allez, moins en retard qu'hier, mais quand même, 7h01, les news maintenant avec Julie de nouveau. Salut à tous, la tension est à son comble sur les marchés alors que l'on s'acheminait en Europe vers un rebond. Les places financières ont subitement paniqué à 2h de la clôture. La nervosité est à son comble par la multiplication de rumeurs de dégradation de la note de crédit de pays européens comme la France. En 2 jours, près de 900 milliards sont partis en fumée. À Londres, le premier ministre... 900 milliards. Milliards, oui. Milliards, bien. Milliards. Ah non, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais ça m'avait perturbé ce chiffre. C'est bien ça. À Londres, le Premier ministre David Cameron a annoncé la riposte, la mise à la disposition de la police de canons à eau. C'est une première en Angleterre et il semble que ça marche. Pas d'émeute la nuit dernière. Les condamnations rapides des émeutiers arrêtés refroidissent également les casseurs, mais aussi la pluie qui tombait sur la ville. Chez nous, le coût scolaire d'un enfant s'est élevé entre 1 000 et 8 000 euros pour l'année 2010-2011, tout niveau confondu. C'est ce qui ressort d'une étude de la Ligue des familles. Les frais liés au matériel scolaire, au voyage, au repas, à la remédiation et aux études supérieures sont pointés du doigt. La Ligue, qui constate toujours la non-application du principe de gratuité, demande davantage de contrôle du décret sur les frais scolaires. L'emploi a progressé en Belgique. 270 000 personnes ont trouvé un boulot de 2005 à 2011, soit une augmentation de plus de 6%. L'emploi dans l'agriculture et dans l'industrie a continué à reculer alors qu'il a augmenté dans la construction et les titres et services. Un tiers environ de ses emplois en plus se situe dans les titres et services. La Formule 1 en Belgique, une fois sur deux, est plus qu'envisageable. Une alternance entre un Grand Prix en Belgique et en France, une année sur deux, est en discussion. L'alternance serait donc une solution pour la Belgique, pour que la Belgique garde un Grand Prix au sein du calendrier mondial. Et puis enfin en sport, les Diables Rouges n'ont pas réussi à s'imposer en Slovénie hier. Le score final est un nul, 0 partout malgré un but de Lukaku annulé pour cause de hors-jeu. Pardon, 7h03, la météo. Les éclaircies seront de courte durée. Les nuages reviendront par la côte pour atteindre le centre du pays. Des pluies seront possibles. L'est et le sud de la Belgique seront normalement épargnés. Température jusqu'à 24 degrés. Allez quand même. Demain, par contre, pas mieux au programme. Nuages et pluies. Et l'info en plus, elle arrive dans 20 secondes. Fun Radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Allez, 7h04, on paye vos factures dans quelques instants. Et l'info en plus maintenant. Et bien d'après une étude de l'université de Pennsylvanie, on n'est pas heureux de la même façon à tous les âges. Ce qui rend les jeunes heureux n'a rien à voir avec ce qui crée le bonheur des personnes âgées. Ah, ça c'est sûr. Hein. Les jeunes affirment que le bonheur dépend de leur activité, un bon job, des amis fiables avec qui on peut s'amuser régulièrement et des activités en dehors du boulot. Quant aux personnes âgées, 80% d'entre elles affirment que leur bonheur est lié une bonne retraite à leur situation au quotidien et à la qualité de leur routine. D'accord, ah oui, bah oui, la routine c'est donc important. Rien à voir avec ce que ah nous non, ah bah ça c'est sûr. Hein. Effectivement. Bon, la fois en plus, elle revient tout à l'heure. On paiera vos factures d'ici quelques instants. Je paierai vos factures. Ce avec bien ton salaire. Non, pas du tout, justement avec l'argent de la radio. Ce qui est bien, c'est que je paye, mais pas avec mon argent. Ça, c'est pratique. Autant dire que justement, ça permet de payer tout et n'importe quoi, puisque c'est pas mon pognon. Donc 63-22, débutez le message par facture. Ah bah oui, je te confirme. Avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Au niveau du son, c'est parti maintenant avec les Black Eyed Peas. C'est Don't Stop the Party sur Fun. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Exact, on aura d'ailleurs l'horoscope d'ici quelques instants avant 7h30. Et puis là, le moment que vous attendez tous. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, c'est tous les matins que ça se passe. C'est ici sur Fun Radio. Il est 7h09 et nous allons appeler quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite maintenant au 63-22 en débutant le message par facture et en mettant l'objet. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de ouais, donc, 0. Ouais, on s'en fout, le numéro de téléphone. Donc en mettant le code facture, puis le montant de la facture et l'objet de la facture. 0. C'est qui qu'on appelait là? On sait pas. Pour payer quoi? 314 euros. Après le signal sonore. Pour 314 euros. Ah, il a rien mis en plus? Non. Bah, tant pis pour lui. Au revoir et merci. C'est bien, c'est la mollesse du. Enfin, mais meuf, elle est totalement mou. Au revoir. Comment on dit? Comment on pourrait dire? Molle. Bonjour en fait. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio. Je t'appelais parce que je voulais te payer ta facture de je ne sais pas quoi, mais en tout cas de 300 et des brouettes là, c'est 14, ça 314 euros pour je ne sais pas quoi, mais en tout cas tu n'as pas décroché. C'est bien malheureux. Ce qui fait que à cause de toi, nous ne ferons pas un sans faute aujourd'hui. Nous n'appellerons pas trois personnes qui décrochent. C'est dommage. Bravo. Hein, bravo. J'ai envie de dire tout est de ta faute. Et, oui, exactement. Oui, tout à fait. La bourse, c'est ta faute également d'ailleurs. Voilà, je viens de te le dire. C'est toi. Bon, bah tant pis. Alors c'est pas grave. Bah tu retentes ta chance quand tu veux. 63-22, tu connais le principe puisque tu t'es inscrit là tout de suite. 63-22 débute le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. N'oublie pas de mettre l'objet parce que normalement, tof, on n'est même pas censé l'appeler, il n'a pas mis ce que c'était. Oui, enfin, l'ordinateur il prend ce qu'il veut. Hein. Ouais, bah il prend ce qu'il veut, bah oui, mais enfin bon. Bon, bah en tout cas, salut à toi et puis à bientôt. Hein, voilà. C'est quand même dommage de passer à côté de l'oseille si bêtement. Restez près de votre téléphone. Oui, c'est ça. Inscrivez-vous à un jeu, certes, mais gardez le téléphone à côté de vous. En tout cas, le téléphone allumé. Vous savez qu'il y a un risque qu'on vous appelle. C'est incroyable. Bon, allez, restez bien là. Dans un instant, c'est Maroon 5 qui débarque avec Christina Aguilera. Moves Like Jagger sur Fun. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. 7h11 sur Fun Radio, bonjour et bon réveil. On est de retour, Mickaël à la radio tous les matins jusqu'à 9h30 avec le petit déj service. On fera le jeu tout à l'heure si vous voulez vous inscrire pour jouer avec nous et gagner des cadeaux. 30-44, débutez le message par déj. Et on écoute les Maroon 5 maintenant, Moves Like Jagger. 7h15 sur Fun Radio, c'est un bon son ça qui fait penser au, je sais pas, fin de l'été comme ça, tu vois, c'est... Encore un peu les vacances. Ouais, un peu les vacances, mais tu sais que c'est quand même bientôt fini malgré tout, hein, mais bon. Allez. Fun Radio, l'horoscope. Et on a même fait un petit jingle maintenant. Comment il va notre doudou aujourd'hui? Il me semble que tu t'appropries un peu vite les choses, toi, non? Mais non, regardez, en plus, je vous ai changé le tapis. Ah bon, tu appelles ça cette moquette crasseuse, un nouveau tapis? Mais non, en radio, le tapis musical, c'est la musique derrière ma voix, là, la petite musique. Ah oui, c'est pas mal, ça me rappelle les îles avec Mario Dill. On était sur le sable. Oui, mais enfin, on n'a pas le temps, Dodo. Faut faire l'horoscope maintenant. Bélier, on commence, c'est parti. Ce soir, tout ira mieux et vous serez de la meilleure humeur. D'accord, les taureaux. Une balade à la campagne avec votre partenaire ou votre famille est ce qu'il vous faut pour aujourd'hui. Les gémeaux. Tenez le coup, vous êtes presque au bout de vos peines. Allez faire un tour pour vous changer les idées. Les cancers. Pensez positif et poursuivez votre chemin. On est d'accord? On est bien d'accord, c'est mon signe. Ouais, c'est vrai, c'est le signe de Julie. Lion. D'ailleurs, elle danse et tout, ça me fait plaisir. Eh bah, tant mieux. Allez, alors, lion. Les lions, grâce à votre sens de la diplomatie, vous éclaircirez les malentendus au sein de votre famille. Les vierges. Laissez-vous aller et barrez la route au stress du quotidien. Faites une sieste, quoi. Oui, c'est ça. Les balances. Réglez le plus rapidement possible vos tâches pour passer une soirée paisible. J'adore ça, les soirées paisibles. Ça, c'est sûr. Les scorpions. Vous avez entendu assez longtemps un jour comme celui... Pardon, je sais... Ah oui, vous avez du mal, les scorpions. Excusez-moi, j'ai bugué. Oui. Vous avez attendu assez longtemps un jour comme celui-ci et votre choix patience va être récompensé. Les Sagittaires. Si vous avez le sentiment que vous pouvez déplacer des montagnes, eh ben dépensez-vous en faisant du sport. Mon Dieu, vous êtes fou. Oui, les Capricornes. Ce n'est pas toujours facile de conseiller raison et sentiment, mais personne ne vous force en même temps. Non, c'est vrai, si je puis me permettre, concilier, je pense. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit conseiller. Conseiller, raison et sentiment, c'est un peu bizarre. Ah oui, concilier. Mais vous êtes un peu fatigué, c'est normal, c'est le premier horoscope du matin. Hein. Ah bah oui, je me lève, moi, bah, tu oui. te rends pas compte. Bah hein. si, les Verseaux. Alors, ne prenez pas tout au pied de la lettre, surtout en amour. Et les Poissons ? Votre ego vous pose parfois des problèmes, voilà. Alors soyez plus ouvert. Oui, en fait, Doudou, il y a un peu de mal parce qu'il y a quand même un décalage horaire avec les Caraïbes de 6 heures en moins, donc il est 1h du matin chez lui. Ah bah oui, moi d'habitude. Il est fatigué, là, quoi. Là, je suis encore en soirée. Enfin, ah bah oui. C'est ça, là, je vais aller retrouver Marie-Thérèse. Et ouais, Marie-Odile et tout le monde. Très bien. Bon, à tout à l'heure. Non, Marie-Odile, on est un peu en foi en ce d'accord, moment. Ok. Bon, oui, à tout à l'heure, Doudou. Hein, à tout à l'heure. Pour notre horoscope là. Dans moins d'une heure. Et puis au niveau bien du son, voilà, c'est ça. Dans un instant, on parlera de la crise également. Et puis au niveau du son, c'est Ina qui arrive avec Club Rocker sur Fun. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Tout à fait, sur Fun Radio, il est 7h21. Bonjour et bon réveil tout le monde. Dans un instant, il y aura les infos. On parlera également... on parlera de quoi également dans un instant? Oui, il y aura l'info en plus et la blague du jour. Je vous rappelle le concept, la blague du jour, c'est si vous avez une vanne la plus lourde possible, venez nous la raconter pour détendre un peu l'atmosphère avant les mauvaises nouvelles de Julie dans les infos. Ah bah merci. Ah bah attends, 9000 milliards de perdus avec la bourse en quelques jours là, c'est une mauvaise info. Hein. 900 milliards. 900 milliards, wow, c'est cher quand même. C'est quand même cher, ouais, ça reste cher. Alors qu'elle voudrait une porte là, à 100 euros là et personne ne veut être là pour lui payer. Je cherche une porte de voiture, voilà, d'occasion, pour une polo, pas hein. cher, pour une polo. Deux voilà. d'ailleurs, il me faut deux portes. Ouais, pour bien faire grise, comme ça on ne doit pas la repeindre. Un méchant car m'est rentré dedans. Et oui, un gros et car. Et parti en courant. Un gros car, enfin, comme elle les aime. Voilà, donc si vous avez une porte éventuellement donnée à Julie, n'hésitez pas. Voilà, donnez-moi la blague du jour. Portes. Oui. La blague du jour arrive tout à l'heure, donc si vous voulez vous aussi faire la blague du jour, allez-y. Vous faites le 30-44, débutez le message par blague, tout simplement. Et donc, c'est la crise dans toutes les bourses du monde. On en parlait justement dans les infos. Alors ce matin, on a décidé de recevoir un spécialiste, c'est Jean-Charles Van Den Stock, trader à First Bank. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, ouais. Jean-Charles. Oui, bon, déjà tu vas te dépêcher, la bourse elle va ouvrir et c'est la Fist First Bank. Hein, ah, Fist First Bank, pardon, bah, ouais, pas pour moi. Alors justement, est-ce que vous pensez que la journée va encore être à la baisse ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi ? Tu sais, la bourse c'est un peu comme l'euro million, hein. Tu sais jamais à l'avance les numéros qui vont sortir. Hein. Oui, mais enfin, il y a quand même une certaine logique. Ah bon, tu trouves qu'il y a une logique, toi ? Hein ? Non, la bourse, bah, moi oui. je te dis, c'est comme l'euro million. Hein. Des crétins qui cochent des cases et après ils attendent de voir ce que ça rapporte. Bon, la seule différence, c'est que le banquier il remplit pas la grille avec son argent. Hein. Ah oui. Ah oui, bah c'est le tien qui le place. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et quand il a tout perdu, bah c'est pas grave, hein, c'est l'argent de tes impôts qui sert à rembourser ce qu'il a perdu. Oui, donc c'est pas tout à fait comme l'euro million en fait. Non, c'est même mieux que le casino. Hein. C'est un peu comme si tu vois, tu lances la roulette et même si tu tombes pas bah, sur le chiffre que t'as choisi, bah c'est pas grave, le mec à côté de toi il te redonne de l'argent pour que tu puisses remiser. Oui, mais si vous perdez de l'argent, là, vous n'avez pas de bonus. Ah bon, tu crois ça, toi ? Bah oui. Ouais. Alors, je te rappelle qu'en Fortis, si c'était dans la merde, là, hein, eh ben, on a tous été invités aux 5 étoiles. Hein. Et, ah bah ouais. Et, ouais et c'est si... pas mal, la belle vie. Hein. Ah bah ouais. Et si tu gagnes, tu prends une commission. Mais ouais. Bah, quand tu perds, tu t'en branles, t'as quand même ton salaire à la fin. Oui, donc c'est pas demain que les banques arrêteront de nous escroquer, quoi. Ah bah non, ça c'est sûr. Hein. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que t'es obligé de prendre un compte en banque. Hein. Donc même la drogue, ça rapporte pas autant que les banques. Ah oui. Bon bah écoutez, merci en tout cas pour cette petite interview, Jean-Charles Van Den Stock. Donc ouais. Je rappelle que vous êtes trader à la Fist First Bank, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Allez, non. Bonne journée. Hein. Et puis vous inquiétez pas, on gère votre argent au mieux, hein, de nos intérêts. Ah oui, bah bien sûr, on compte bien sur vous, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Charles. Je vous en prie. Très bien, si je peux vous aider à comprendre la finance, vous me rappelez. Bien sûr, spécialiste bourse, finance, etc. Tu devrais l'inviter, Julie, dans tes infos NC4 ou pas. Bah, il pourrait t'expliquer peut-être les 900 milliards de perdus, etc. Tu ouais, vois ouais, je peux l'expliquer aussi si tu veux, y a pas de problème. Ah ouais. Bon, bah, enfin, moi je disais ça, c'était pour aider. Hein. Mais tant pis, visiblement tu ne veux pas de mon aide et mon aide, pardon, je trouve ça très très petit. Ton très... aide, si, bien sûr. Ah mais... voilà, tu vois quand même. Hein. Oui, bien sûr. Bon, si, la si. Blague du jour arrive dans quelques instants, les infos de Julie également, et puis vous toutes et vous tous en direct avec encore un petit peu de son. Dans quelques instants, on mettra le son de Pitbull aussi avec notamment Big Ali de Wanted aussi qui passera peut-être à l'heure avant 8h. Ce sera Glad You Came. Mickaël à la radio. Mickaël. Radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Tout à fait, on est là sur Fun Radio tous les matins avec vos messages qui arrivent en direct, 7h28. Bonjour et bon réveil. Et puis j'ai une bonne nouvelle là pour Julie. Il y a un message qui est arrivé qui dit bonjour, elle est de quelle année et quel modèle la Polo, Julie? On vient de me dire qu'apparemment c'est une Polo 4. 2005. 2005. À peu près. Elle est grise, grisard, métal. Elle est grisard, oui. Oui, oui. Grisard? Non, elle est gris bizarre. Elle est gris bizarre, oui. Il n'a pas les gris cassés, quoi. Voilà, très en cassé. Tout cas, si donc vous pouvez avoir une porte, les deux portes en fait, c'est la porte avant. Bon, la porte arrière, elle est légèrement rayée, mais enfin ouais. Bon, tant qu'à faire. Hein. Il paraît qu'on peut mettre un truc spécial pour pas que ça rouille. Mais ouais, mais enfin bon, en tout cas, Julie donnera de sa personne. Non, oui. Je donnerai. Je dirais merci beaucoup, c'est très gentil. Elle vous aidera à la poser. Elle vous fait un très gros bisou. Oui, oui, c'est ça. Eh oui. Très très gros bisous, vous allez voir, ça va être kiffant. D'ailleurs, Toff, il va chercher des portes aujourd'hui dans toutes les démolitions de Belgique. Hein, ah, mais Toff, depuis lundi, il cherche des portes. Ah, il cherche des portes, bah, il cherche mal alors. Bon, nous avons la blague du jour maintenant avec. Oh là là là là, c'est pas vrai encore lui. Le maréchal qui est là tous les soirs dans la libre antenne avec Vince. Le maréchal. Ouais, salut Mickaël, salut Toff, salut Vince. Dis donc, t'aurais pas une émission préparée salut. Plutôt que d'être là à 7h30 du mat? Si, mais bon, j'aime bien écouter le morning. Hein. Ah bah oui. Faut savoir que ce garçon n'a pas de vie, n'a pas de vie sexuelle non plus. Il est juste très courageux. Voilà, c'est au ça. Au final, il déborde d'énergie, donc c'est pour ça, à 6h, il est debout. Bah oui. Bon alors, la blague du jour, le maréchal. Mais tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à l'abbé. Oui, c'est vrai, c'est l'anniversaire de l'abbé aujourd'hui, ouais, l'abbé que vous retrouverez. Donc, n'hésitez pas à l'appeler ce soir dans la libre antenne avec Vince pour lui souhaiter un bon anniversaire de ma part. Vous lui dites que Mickaël l'emmerde. Voilà. C'est un petit message. Voilà. Bon, alors la blague du jour. Donc oui, qu'est-ce qui se mange, qui est rose et qui est invincible? Pas d'idée. Non. Non, vas-y. Non. Un cochon avec un gilet pare-balles. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Voilà. 7h30 pile, tout pile. Oh là là, mon Dieu, quelle fierté. Je n'y crois pas, vais-je y arriver? Quelle fierté, je suis... choqué. Plus tu parles, plus on prend du retard aussi. Bah hein. Non, là, j'ai lancé l'info à 7h30. Après, c'est toi qui ne démarre pas, tant pis. Hein. 7h30, c'est jeudi aujourd'hui, le 11 août, et les infos avec Julie. Salut à tous. La tension est toujours à son comble sur les marchés. Alors que l'on s'acheminait en Europe vers un rebond, les places financières ont subitement paniqué à 2h de la clôture hier, avec la rumeur de la dégradation de la note de crédit de la France. En 2 jours, près de 900 milliards sont partis en fumée. 900 milliards. Tu n'en reviens toujours pas, je sais. Ah non, toujours pas, non. Chez nous, le coût scolaire d'un enfant s'est élevé entre 1 000 et 8 000 euros pour l'année 2010-2011, tout niveau confondu. C'est ce qui ressort d'une étude de la Ligue des familles. Les frais liés au matériel scolaire, au voyage, au repas, à la remédiation sont pointés du doigt. La Ligue, qui constate toujours la non-application du principe de gratuité, elle demande davantage de contrôle du décret sur les frais scolaires. L'emploi a progressé en Belgique. 270 000 personnes ont trouvé un boulot de 2005 à 2011. Soit une augmentation de plus de 6%. L'emploi dans l'agriculture et dans l'industrie a continué à reculer alors qu'il a augmenté dans la construction et les services. Un tiers environ de ces emplois en plus se situe dans les titres et services. Le patron d'un café anversois a pour la première fois écopé d'une amende de 250 euros à cause de ses clients qui fumaient leurs cigarettes sur le trottoir devant son établissement et qui faisaient trop de bruit pour le voisinage. Deux cafés de Coquelard en Flandre occidentale ont également été menacés de fermeture pour la même raison. Pour rappel, il est interdit de fumer dans tout l'Oreca depuis le 1er juillet dernier. Et dépêchez-vous de commander vos pneus hiver. C'est le message des professionnels du secteur. Et si l'hiver prochain est aussi rude que l'année dernière, les fabricants de pneumatiques savent déjà aujourd'hui qu'ils ne pourront pas répondre aux demandes massives. La demande pour des pneus hiver a augmenté de 30% en 2009 et de plus de 50% l'année dernière. La Formule 1 en Belgique, une fois sur deux, est plus qu'envisageable. Une alternance entre un Grand Prix en Belgique et un en France une année sur deux est en discussion. L'alternance serait donc une solution pour la Belgique, pour que la Belgique garde un Grand Prix au sein du calendrier mondial. Et puis enfin en sport, les Diables Rouges n'ont pas réussi à s'imposer hier en Slovénie. Le score final est un nul partout, 0-0, malgré un but de Lukaku annulé pour cause de hors-jeu. Enfin, ils ont quand même dit que malgré tout, c'était quand même bien, que 0-0, c'était bien. Oui, du coup, ils étaient prêts pour affronter l'Azerbaïdjan, je crois. Qui, c'est oui, le 2 septembre aussi. Prochain. Oui, c'est le 2 septembre. Mais là, par contre, c'est pour les qualifications vraiment. Qualification, 2012. Si le match, c'est terminé pour eux. Je rappelle également, car je suis un grand journaliste que l'Espagne championne du monde a une fois de plus perdu. Voilà. 7h32, la météo. Les éclaircies seront de courte durée. Aujourd'hui, les nuages reviendront par la côte pour atteindre le centre du pays. Des pluies seront possibles. L'est et le sud de la Belgique seront normalement épargnés. Température, allez, jusqu'à 24 degrés. Demain, même temps, programme nuages et pluies. Mais oui, bah c'est malheureux. T'as eu ces informations, bien évidemment, sur RTL. Pas sur le site d'RTL. Voilà. Bon, dans un instant, ce sera la petite rubrique Mickaël réveille la Belgique. Donc restez bien là, ça va faire du bruit. Fun Radio. Mais avant ça, évidemment, 7h33, la fou en puce. Eh bien, récemment, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme on le sait, a déclaré les téléphones portables comme potentiellement nocifs. Eh bien, 5 étudiants autrichiens ont développé des sous-vêtements anti-radiation afin de se protéger des rayons émis par les téléphones mobiles et les ordinateurs portables. Ils vendent leurs caleçons 29 euros. Toff, si tu es intéressé. Oui, bah, Toff est totalement intéressé. Hein. Il va de ce pas aller en commander un petit, là. Il serait temps qu'il porte des caleçons. Oui, ah bah oui. Des caleçons à 29 euros, non. Non, je préfère garder mes strings. D'accord, pourquoi pas. Bon, dans un instant, Mickaël réveille la Belgique. Je rappelle également qu'on fera un petit tour du côté de l'infotrafic dans moins de 10 minutes. Donc, si vous êtes témoin de quelque chose sur la route, un radar, un accident, un embouteillage, des travaux, n'importe quoi, faites le passage par le 3044 par SMS. Ouais. Et puis, bien évidemment, on passera votre info à l'antenne. Ça rendra peut-être service aux autres, on sait jamais. Et puis, on paiera vos factures également. Ça se passera dans quelques instants. La ligne anti-relou débarquera également. Ce sera dans moins d'un quart d'heure également. Et Pitbull qui débarque aussi avec Marc-Anthony, c'est Rain Over Me sur Fun. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël réveille la Belgique sur Fun Radio. Exactement, et ça se passe tous les matins à 7h38. Bonjour tout le monde et bon réveil, c'est jeudi aujourd'hui, le 11 août. Et puis, côté météo, vite fait, là, pour l'instant, encore du soleil, n'est-ce pas, Julie? Et puis, basta après. Hein. Oui, basta. Mais normalement, ouais. Le sud et l'est du pays vont être épargnés par les nuages. Ah, c'est déjà pas mal, en tout cas la matinée. On va voir. En tout cas la matinée. On va voir ce qui va se passer par rapport à tout à l'heure. Bah, vous écouterez Carlo à partir de midi, comme ça, c'est lui qui assumera après. Hein. Voilà, exactement. Je gère le matin après. Voilà, c'est ça. Bon, on salue également tous ceux qui sont connectés sur le groupe Facebook, facebook.com/mickaël officiel, avec le maréchal de la libre antenne du soir qui est connecté, qui dit que lui-même, sa blague l'a fait rire. Encore heureux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand même. Si au moins ça l'a fait rire lui, c'est bien. Bah voilà, il y a Hélène aussi qui est là, il y a Aurélien, Hélène Toff qui est majeure depuis 48 heures. Donc, très bien, j'arrive Hélène. Voilà, c'est ça. Laetitia qui est connectée également, Virginie. Bref, tous ceux sur le groupe Facebook, facebook.com/mickaël officiel. Bon, nous avons maintenant Sébastien Loeb qui est avec nous donc pour réveiller la Belgique, puisque on voulait vous montrer un petit peu comment faire. Donc le principe c'est simple, vous allez donc sonner chez des gens et quand ils ouvrent vous criez Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio, tout simplement. Voilà, en gros c'est ça. Lop, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bah là en fait je suis devant une pharmacie en fait. D'accord. Donc, je vais rentrer dans la pharmacie, il y a plein de gens dedans et là je vais gueuler c'est une guerre quoi. D'accord, bah donc, écoute. Là, je suis dans la bagnole, j'arrive devant la pharmacie. C'est une librairie en fait. Ah, c'est une librairie. D'accord, ok. Ça change de tout, hein. De tout ça change. Attention. Il est parti avec voilà. Un Vuvuzela. Attention. Oh là là. À 3. Ce sont les oreilles. 1. 2. 3. Les gens ils gueulent dans la librairie et tout. Vas-y, casse-toi, rentre. Avant de te faire allumer. J'arrive, très bien. Et ben voilà, c'est pas si compliqué. Donc si vous voulez m'aider à réveiller la Belgique, vous envoyez le code réveil au 3044. On saura bien évidemment vous récompenser à votre juste valeur. À votre juste valeur, exactement. Ça marche à votre aussi juste avec réveil. Ouais, voilà, ça marche aussi avec vos parents pour les réveils, avec votre sœur. Vous êtes pas obligé d'aller loin pour participer, bien évidemment. Non, même le voisin, ça fonctionne aussi. Et puis ouais. Oh non, si vous partez en camping, à l'hôtel, c'est ça. Si vous êtes en vacances, c'est encore mieux. Hein. Voilà, c'est ça. Donc vous nous laissez votre numéro pour la semaine prochaine. Tout à fait. On vous appelle en direct de vos vacances. Bon, Sébastien Loeb, tu reviens là pour la déclaration express? Je recherche mon chemin, ouais, puis après j'en reviens. Je recherche mon chemin. Je peux ne jamais revenir. C'est ça, ouais. J'ai déjà perdu en 2-3 routes. Je me doute. Bon, bah, à tout de suite, déclaration express. C'est avec Sébastien Loeb, il chante une chanson à la personne qui voulait faire cette déclaration. Ça peut être une déclaration de rupture. Julie le fera d'ailleurs bientôt avec sa copine. Oui, bien sûr. Ah, voilà. Bah, j'ai une copine maintenant, c'est nouveau, ça. Oui, tout à fait. Et donc voilà. Donc, si vous faites pareil, déclaration de rupture, déclaration d'amour, déclaration express, c'est dans quelques instants sur Fun Radio. Et ne bougez pas, il y a aussi le colonel qui arrive dans un instant. instant, Conan Royal, ce sera Aurélie. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. À 7h45, bonjour tout le monde. On fait un tour du côté de l'infotrafic maintenant. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Eh bien, bonne nouvelle concernant l'accident sur la Nationale 4, Luxembourg-Arlon-Namur, en direction de Bruxelles, à hauteur de Sinet. La chaussée est à présent libérée. Oui, et en parlant de Luxembourg, je tiens à rappeler également qu'ils sont inclinés 5-0 face au Portugal. Tu ne l'as pas annoncé dans les infos et c'est bien malheureux. C'était un peu facile. Encore heureux qu'ils se font, tu vois. Ouais, c'est un non-match. Hein. Voilà. Oh, ouais, bon, enfin, bon, c'est une non-information. C'est ça. Je n'ai pas le temps. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou. 0473-86-0013. On vous passe les meilleurs messages. Exactement, c'est tous les matins à 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. La ligne anti-relou, les meilleurs messages qui ont été laissés au 0473-86-0013 par les plus gros relous de Belgique. Et nous sommes fiers de les avoir, ceux-là. Tu vois, il y en a qui ont des grosses stars, nous on a des gros relous. Au moins on a quelque chose. Et on est fiers de les avoir. Quand vous tombez sur quelqu'un qui est relou, les filles, quelqu'un qui vous drague, quelqu'un qui vous suit partout, qui veut absolument votre numéro de téléphone ou votre adresse, à la place de lui donner ou de ne pas lui donner votre numéro, du coup il va vous faire chier toute la soirée. C'est ça en fait. Voilà. Donnez-lui le numéro, comme ça au moins il est peinard, il a son numéro, il est content. Exactement. Et, il part. Et le numéro c'est le 0473-86-0013. Du coup, des gens comme ceux qu'on va écouter maintenant tombent sur ce répondeur et laissent leur message et passent pour des cons. Et dis donc, Micheline, arrête pas de te sonner, messagerie. Dis donc, Micheline, répète tout deux fois. Fais-moi un signe, un geste, quelque chose, c'est quelque chose. C'est une chanson. Et Johnny, rappelle de moi. Et on a passé un sacré moment. Ah oui. Quand j'ai dansé avec toi, tu sais, j'ai ressenti le feeling qui est entre nous deux. Elle aussi, tiens. C'est pour moi, Micheline. Ne me quitte pas, Micheline. Bisous, love, kiss. Merde, je l'avais pas entendu tout à l'heure, celui-là, le bisou love kiss. Ah, je l'avais zappé quand on l'a écouté tout à l'heure. Bisou love kiss. Bisou love kiss. Okay, et puis ce qui est bien, c'est qu'il quand même, il pose des questions à un répondeur. Hein. Oui, Micheline. Ça, c'est le relou. Tu vois, le relou pose des questions dans le vent. Tu es là, Micheline. Il va pas te répondre, c'est le répondeur. Hein. On a passé un sacré moment hier, hein, Micheline. C'est pour ça qu'elle t'a donné ce numéro, d'ailleurs. Voilà, malheureusement, c'est pas possible, il va pas te répondre. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Allô, Catherine. Est-ce que je me pouvais ranger? Oui, c'est le suicidaire. Je voudrais simplement savoir quand on pourrait se voir. Parce que tu veux qu'on se voit, mais quelque chose pour qu'on se donne rendez-vous. Téléphone-moi, s'il te plaît. Téléphone-moi. J'ai envie de te connaître aussi. Ce serait super de se connaître, non? S'il te plaît, téléphone. Surtout après 19h. Parce que je travaille. S'il te plaît, téléphone. Oh, le pauvre. Oh, il fait de la peine, lui. Non, mais le mec désespéré, ça ne nous attire pas. Ah non, mais c'est clair. Hein. C'est-à-dire que déjà, tu sors pas encore avec lui. Déjà, il est au bord du suicide. T'imagines le jour où tu vas le larguer? Oh là là, non, mais laisse tomber, quoi. Ah, dans sa voix, on dirait un peu Booba quand il parle. Ouais, tu peux me rappeler. Mais dans 20 ans, en fait. Ouais, alors vraiment, on va piger Booba quand il sera presque mort, quoi. Bon, allez, troisième et dernier message de la ligne anti-relou de ce matin. Bonjour. Ah oui. Christine. Oui. Gilles. C'est Gilles. On s'est rencontrés la semaine dernière, mais je ne sais pas quand tu pourras me rappeler. Mais jamais. Je suis totalement perdu. Merci. Rappelle-moi. Mais oui. Beaucoup. Merci beaucoup. Rappelle-moi beaucoup. Ah ben on va la rappeler beaucoup, hein. On dirait la What Tof, tu sais, quand il appelle les gens. Mais oui, n'a pas l'air normal. Mais bonjour, oui Julie, tu sais que tu as l'air très mignonne. Ça fout les boules. J'aimerais bien que je te rappelle, Julie. Non, j'aimerais mais pas. Oui, non. Mais n'insiste pas, mais ne t'inquiète pas. La passion du mec qu'on vient d'avoir au téléphone, donc c'est de se promener nu sous un imperméable. Ah, voilà. Tu veux regarder ce qu'il y a sur mon imperméable? Tu as déjà vu un vieux monsieur tout nu? Ah Julie, n'hésite pas à le demander, ne fais pas ta timide. Tu aimes les bonbons? Oh non, je suis entourée de pervers. Tu veux que je te chante une petite chanson, Julie? Non. Julie n'a que 16 ans et elle attend. Allez, Conan Royal sur Fun. Aurélie. Tous les matins, on est là sur Fun Radio à 7h52. Bonjour tout le monde et puis bon réveil. Si vous venez de nous rejoindre, bah soyez les bienvenus. Il y a les infos qui vont débarquer dans quelques instants, dans moins de 10 minutes. On paiera vos factures également pour les payer, enfin pour vous inscrire, pour qu'on puisse payer vos factures. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc dès maintenant, au 63 22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Il y a Electrabel là, qui pompe 78,28€. C'est un message qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre message au 63 22 que je n'ai plus sous les yeux et c'est bien malheureux d'ailleurs. Hein. Je vais les retrouver dans quelques instants. Ça. Hop là, voilà. Alors, 165€ pour un abonnement de 3 mois. Il y a quoi aussi? L'assurance voiture, 459€. Ah oui, c'est bien cher, Thibaut. 230€ une semaine à la mer. Ah, et donc, une PlayStation. Quoi? Facture PlayStation, 3358€. Bah, à part si elle est en diamant. Or, oui, c'est ça, en or ou en diamant, il doit y avoir une erreur. Hein. Non, c'est PlayStation 3 et 358. Ah, 358€, ouais, d'accord. Il a dû prendre deux manettes, ouais, un jeu. Ouais, ouais, et... probablement. Alors, d'accord. 199€ pour un sac pour un ordinateur. Et donc, cher le sac, hein. 650€ pour la cotisation de je sais pas quoi, 225€ pour base. Vous savez que, parce que je vois des factures de téléphone sur Alice, il y a des opérateurs, je ne vais pas citer de nom pour pas avoir de problème, mais il y a des opérateurs qui font du all-in, hein. C'est-à-dire que vous payez un forfait qui est relativement élevé, certes, mais vous pouvez appeler non-stop. Non, c'est vrai, quand on ne fait pas encore trop cher, en voilà. Tout cas beaucoup moins que 200€, ça, voilà. C'est sûr. Quand on a des factures énormes comme ça, ben on prend un forfait comme ça où tout est illimité, ouais. Et comme ça on est tranquille. Voilà, voilà. Enfin, moi je dis ça après. C'était oui. Oui, bon voilà. Conseil de Mickaël. Voilà, je dis ça pour vous aider, bien évidemment. Hein. Voilà, il ne vous a pas remboursé votre facture, mais il vous a fait faire des économies. Exactement, voilà. Bon, alors la question qui colle, écoutez bien, 30-44 pour la donner la réponse, justement, et il y a bien évidemment des cadeaux. Trois chanteuses d'un groupe japonais ont accepté de se laisser toucher par toutes les personnes qui feront un don pour la recherche contre le sida. Mais quelle partie de leur corps pourront nous toucher? Voilà. Donc trois chanteuses d'un groupe de pop japonais, ont accepté de se laisser toucher par toutes les personnes qui feront un don pour la recherche contre le sida. Mais quelle partie de leur corps? Si vous avez la bonne réponse, 30-44, il y a des cadeaux pour vous. Et donc ce matin, Tof, tu as décidé d'être horrible puisque tu appelles des vétérinaires pour aider mamie à partir dignement, qu'elle finisse sa vie. Ouais, enfin surtout sans pour toucher cœur. L'héritage, quoi. Ah bah oui, sinon il n'y a aucun intérêt à la faire clamser la vieille. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah on va donc rappeler maintenant, hein. Allons-y. Allez, c'est parti, on l'appelle maintenant pour essayer d'avoir l'héritage, enfin Tof plutôt. Hein. Pervé. Oui, Pervé, on va. Cabinet vétérinaire, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous pratiquiez les euthanasies. Oui, bien sûr. Oui, voilà, parce qu'en fait, voilà, j'aimerais bien me séparer assez rapidement. Hein. C'est pour une question d'héritage, j'aimerais, voilà, je suis un petit peu à sec et donc j'aimerais toucher l'héritage assez rapidement. Quand est-ce que je pourrais mettre ça en... Oui, alors par contre, est-ce que c'est possible de faire ça chez moi? Parce que bon, elle est quand même assez vieille et ça m'ennuie de la déplacer. Ouais, donc un domicile, ce serait vendredi. Oui, vendredi, c'est très bien. Ça me laisse le week-end pour préparer les papiers. Comme ça, je peux me présenter chez le notaire lundi. Non, c'est très bien. Ce serait parfait vendredi. Par contre, je vais faire une fiche parce qu'il faut que je fasse une fiche avant parce que sinon, ça va pas aller. Bien sûr. Mais donc, ça posera pas de problème. Ça pourrait être fait. Ce sera fait assez rapidement. Ah bah c'est une injection de barbiturique en fait, donc c'est très rapide. Une fois que c'est dans le cœur, allez, une minute. Ah oui, ah bah c'est, non parce que je ne voulais pas que j'avais peur que mamie souffre, mais ça va si. D'accord. Vous allez l'enterrer chez vous, c'est ça? Non, au cimetière, ça sera très bien. Ah, dans un cimetière animalier? Non, ça, en fait, je pense que en fait, c'est-à-dire qu'il s'agit de, il s'agit du corps de mémé. Comment, c'est-à-dire? Ben en fait, voilà, je vous explique depuis tout à l'heure que je souhaite toucher l'héritage assez rapidement. Vous comprenez, ça fait quand même 75 ans qu'elle nous emmerde. Voilà, il serait temps quand même qu'on arrive à mettre un terme, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, mais vous êtes fou! On peut pas euthanasier une personne comme ça. Bah, attendez, vous étiez en train de me dire que c'était possible, on allait prendre rendez-vous. Pour un chien? Oui, mais c'est pareil, c'est une vieille chienne, on va pas non plus. N'importe quoi, mais vous êtes malade, au revoir. Ah, malheureusement, elle est partie aussi, hein, c'est dommage, mais c'était bien essayé. Eh, jusqu'à la fin, on y a cru, hein. Ouais, non, mais elle était, ouais. Tu vois, pourtant, tu vois, je lui dis, ouais, l'héritage, ouais, machin, le notaire. Oui, non, pas de problème. Ouais, mais ça va aller, vous inquiétez pas, y a pas de problème. C'est sur le cimetière, hein, ouais, ça a tiqué, quoi. Comment c'est un cimetière normal? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on rappellera tout à l'heure d'autres vétérinaires pour voir si eux sont ouverts éventuellement à se débarrasser de bébés pour avoir l'héritage, évidemment. Hein. Et puis pour la question qui colle, là, il y a eu des réponses qui sont arrivées. La question qui colle, c'est donc trois chanteuses d'un groupe de pop japonais qui ont accepté de se laisser toucher par toutes les personnes qui feront un don à la recherche contre le sida. Mais quelle partie de leur corps ont proposé les pieds? Non, c'est pas la bonne réponse. C'est au-dessus de la ceinture. peinture. Une partie que Toff aime beaucoup. Ah oui, oui, oui, ah bah ça c'est sûr, effectivement. Ouais. Voilà, au-dessus. Tu n'es pas très abondant. Oui. Au-dessus de la ceinture. Et il y a Dilo qui arrive maintenant avec Lil Wayne. Tough. I'm into you sur Fun. C'est nickel à la radio, sur Fun Radio. Et 8h sur Fun Radio, Jennifer Lopez à l'instant avec I'm into you. Tous les matins, on est là entre 6h et 9h30. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, et oui, il fait ce qu'il peut. Et oui, on fait ce qu'on peut, effectivement. Ouais. Et avant d'avoir d'aller aux infos avec Julie, nous avons Mickaël qui est avec nous maintenant. Salut Mika. Mickaël, c'est parti. Mickaël. Allô, Mickaël. Oui. Ah voilà, Mickaël m'entend maintenant, c'est parfait. Mickaël, sois le bienvenu. T'as quel âge? T'es dans quelle ville? Je suis de la région de Binche. Dans la région de Binche, très bien. Alors, Mickaël, tu as la réponse à la question qu'on a posée tout à l'heure, la question qui colle. Trois chanteuses d'un groupe pop japonais ont accepté de se laisser toucher par toutes les personnes qui feront un don pour la recherche contre le sida. Mais quelle partie de leur corps pourront-nous toucher? Et oui, les seins, effectivement, c'est une bonne réponse. C'est pas mal quand même, parce que tu vois, elles ont accepté, c'est à l'occasion du téléthon local, on va dire, pour le contre le sida plutôt. Et donc voilà, c'est pas mal. Les Japonais avaient été invités l'année dernière à donner 1 yen, c'est-à-dire 0,009 centimes d'euros pour pouvoir caresser les testicules d'un acteur X connu dans le pays l'année dernière. Perso, je préfère les seins, mais après, chacun son délire. Ah, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Moi, ouais. Je sens que je vais immédiatement faire un don pour la recherche. Oui, d'ailleurs, justement, j'ai cru comprendre que t'avais un petit peu de rab pour faire ce don-là. C'est parfait. Je vais faire un don. Bon, Mickaël, bravo à toi. Tu retournes au standard et puis tu reviens quand tu veux. Et puis bonne journée à toi. Merci à vous aussi. Salut, à bientôt. Ciao. Salut. Eh ben, il était temps là, Julie, elle est partie aux toilettes pendant 2 heures là, du coup on est en retard, 8h02. Salut à tous. 8h02 les infos. La tension est à son comble sur les marchés alors qu'on allait vers un mieux en Europe. Les places financières ont subitement paniqué à 2h de la clôture hier avec la rumeur de la dégradation de la note de crédit de la France. En 2 jours, près de 900 milliards sont partis en fumée. Chez nous, le coût scolaire d'un enfant s'est élevé entre 1000 et 8000 euros pour l'année 2010-2011, tout niveau confondu. C'est ce qui ressort d'une étude de la Ligue des familles. Les frais liés au matériel scolaire, au voyage, au repas, à la remédiation sont pointés du doigt. La Ligue, qui constate toujours la non-application du principe de gratuité, elle demande davantage de contrôle du décret sur les frais scolaires. L'emploi a progressé en Belgique. 270 000 personnes ont trouvé un boulot de 2005 à 2011, soit une augmentation de plus de 6%. Tous les chiffres sont positifs, mais problème, 2/3 de ces nouveaux emplois sont des titres et services et des emplois win-win. Ils sont donc payés à 60% par l'État. Un État qui va devoir se serrer la ceinture. Ces emplois pourraient donc disparaître. Le patron d'un café anversois a pour la première fois écopé d'une amende de 250 euros à cause de ses clients qui fumaient leurs cigarettes sur le trottoir devant son établissement et qui faisaient trop de bruit pour le voisinage. Deux cafés de Coucolard en Flandre occidentale ont également été menacés de fermeture pour la même raison. Pour rappel, il est interdit de fumer dans tous les RECA depuis le 1er juillet dernier. Dépêchez-vous de commander vos pneus hiver. C'est le message des professionnels du secteur. Si l'hiver prochain est aussi rude que l'année dernière, les fabricants de pneumatiques savent déjà aujourd'hui qu'ils ne pourront pas répondre aux demandes massives. La demande pour des pneus hiver a augmenté de 30% en 2009 et de plus de 50% l'an dernier. La Formule 1 en Belgique, une fois sur deux, c'est peut-être possible. Une alternance entre un Grand Prix en Belgique et un en France une année sur deux est en discussion. L'alternance serait donc une solution pour que la Belgique garde un Grand Prix au sein du calendrier mondial. Et puis enfin en sport, les Diables Rouges n'ont pas réussi à s'imposer hier en Slovénie. Le score final est un nul, 0 partout, malgré un but de Lukaku annulé pour cause de hors-jeu. 8h04, on fait un tour du côté de la météo. Les éclaircies seront de courte durée, malheureusement. Les nuages reviendront par la côte pour atteindre le centre du pays. Des pluies seront en plus possibles. L'est et le sud de la Belgique seront épargnés. Température, allez, jusqu'à 24 degrés quand même. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Bon, allez, dans un instant, c'est l'info en plus et ce sera dans 20 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais.

Fun Radio paye vos factures. Allez, ça se passe comme ça tous les matins au 63-22. Faut débuter le message par facture et puis vous laissez le montant et l'objet de la facture. Et bah, si vous êtes tiré au sort, on vous rembourse votre facture. C'est 1 euro par message. On appelle maintenant quelqu'un pour payer quoi, Tof? Une télévision. Ah oui. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Isabelle. Comment tu t'appelles? Isabelle. Isabelle, j'avais compris Jarel. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce prénom? Isabelle, pas, très bien. Tu as quel âge? Tu étais dans quelle ville? J'ai 25 ans, je viens de Liège. Ah oui, quand t'as dit 25 ans, j'avais compris directement. On a compris que tu venais de Liège. Ah, c'était pas la peine de préciser, on savait. Bon, alors, Isabelle, tu as acheté quoi et tu voudrais qu'on te rembourse combien? Alors, j'ai acheté un écran LCD. D'accord. Un écran LCD, oui. Et qui va coûter combien? Prends le petit, hein. 250. Oh, ça va. Pour un écran LCD, ça va. Oui, oui, 250, ça va. Ouais, ouais. Tu m'aurais dit 1000 euros, ça m'aurait fait tiquer quand même pour un écran de télé. Mais là, ça va. 250, ça reste raisonnable. Eh ben, écoute, pas de problème. La facture, elle est payée par Fun. Il n'y a pas de problème. On va t'envoyer ça très, très rapidement, Isabelle. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. À bientôt. Salut. Bah oui, tu m'étonnes qu'elle souhaite une bonne journée. Elle est contente. Bon, si vous aussi, comme Isabelle, vous voulez qu'on vous rembourse la facture, bah, suffit de décrocher. Mais avant ça, faut vous inscrire. 63-22, débuter le message tout simplement par j'ai oublié facture. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est facture. Vous devez débuter votre message par facture pour se faire payer des factures, c'est mieux. Oui, pour bah c'est ça, ouais, c'est ça mieux, peut aider. Ouais. Exactement. Et puis vous laissez tout simplement le montant de la facture avec l'objet de la facture. On revient dans un instant, c'est Shana Paul qui débarque avec Alexis Jordan et Got to Love You sur Fun. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il y a que mon micro qui n'a pas fonctionné? C'est bizarre. Bon, tous les matins, on est là entre 6h et 9h. 6h et 9h30, même 8h16. Bonjour et bon réveil. On paiera encore une fois vos factures tout à l'heure. On fera un tour encore du côté de la ligne anti-relou. Et puis, bien entendu, c'est le moment, c'est l'instant de faire un tour du côté de l'horoscope avec notre ami Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Eh oui, vous avez placé de l'argent en bourse, vos doudous, ou pas? Ah non, surtout pas. Moi, j'ai le cash sous mon matelas. Comme ça, le jour où il n'y en a plus à la banque, il y en a toujours sous le lit à doudou. Ah oui, bah, c'est une façon de voir les choses. Bon, on fait l'horoscope? Ben d'accord. Allez, les béliers. Alors ce soir, tout ira mieux et vous serez de bien meilleure humeur. D'accord. Bon, ça va, je ne trouvais pas de mauvaise humeur pour l'instant, mais bon, taureau. Une balade à la campagne avec votre partenaire ou votre famille est ce qu'il vous faut aujourd'hui. Oui, les gémeaux. Tenez le coup, vous êtes presque au bout de vos peines. Allez faire un tour pour vous changer les idées. Les cancers. Pensez positif et poursuivez votre chemin. D'accord? Oui. Ah oui, elle va poursuivre son chemin à vélo samedi. Parce que Julie va faire du vélo samedi. Et oui, elle va se marrer. Sous la pluie, apparemment. Ah, bon, ça. Ouais, ça lui fera du bien. Ça va l'avoir un peu de l'extérieur. Les lions. Grâce à votre sens de la diplomatie, vous éclaircirez des malentendus au sein de votre famille. D'accord, les vierges. Laissez-vous aller et barrez la route au stress du quotidien. Très bien. Alors, reposez-vous, quoi. Oui, bah, c'est ça, les balances. Oula, vous avez fait mourir, Doudou. Restez avec nous. J'ai avalé des travers, c'était très bizarre. Oui, bah oui, donc les balances. Alors, réglez le plus rapidement possible vos tâches pour passer une soirée paisible. Les scorpions. Vous avez attendu assez longtemps un jour comme celui-ci et votre patience va être récompensée. Sagittaire. Si vous avez le sentiment que vous pouvez déplacer des montagnes, eh bien, dépassez-vous en faisant du sport. Mais mon Dieu, je sais pas comment vous faites. Ah bah, vous allez dans une salle en règle générale. Les capricornes. C'est pas toujours facile de concilier raison et sentiment, mais en même temps, personne vous a forcé. C'est pas faux. Les Verseaux. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, surtout en amour. Et pour finir, les poissons. Votre ego vous pose parfois des problèmes, alors soyez plus ouvert. Évidemment. Bon, écartez la nageoire. Oui. On se retrouve dans une heure pour un dernier horoscope. Mais oui, pas de problème, je vais rester là, je vais aller faire une petite sieste. Très bien. Et la déclaration express, elle va arriver d'ici quelques instants. Si vous avez une petite déclaration à faire à votre copain, votre copine ou à quelqu'un que vous avez dans le collimateur, 3044, débutez le message par déclaration. On fera cette déclaration express en chanson, évidemment. Le temps d'écouter Chris Brown. Beautiful People sur Fun Radio. Bon réveil. Beautiful People à l'instant sur Fun Radio, 8h22. Soyez les bienvenus si vous débarquez. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Et un message qui vient d'arriver. Radar sur l'autoroute Mons-Tournée à hauteur de Montbray. Donc voilà, faites gaffe si vous voyez le petit flash. Enfin, si vous le voyez, c'est trop tard. Hein. Mais je veux dire, si la photo a été prise, je pense que c'est trop tard. Ouais, voilà, si l'on fait signer à la police, et comme ça, vous aurez gagné ça au moins. Bonjour. Voilà, bonjour. Bon, on va revenir dans un instant, il y aura les infos également. Et puis bah, c'est l'heure maintenant de faire un tour du côté de la déclaration express. Et la déclaration express, il y a qui pour faire cette déclaration aujourd'hui? Bonjour. Bonjour, salut, salut, équipe. Salut, salut à toi, comment vas-tu? Ça va, et vous? Bon, écoute, on va plutôt bien là, on est bien, on est tranquille, tout va bien. Bon, tu t'appelles comment? Geoffrey. Geoffrey, t'as quelle ville? Merde, t'as quelle ville? T'as quel âge? T'es dans quelle ville? 21 ans de tournée, très bien. Petite déclaration express que nous allons faire maintenant. Tu veux qu'on appelle qui? Ta copine, ton copain, quelqu'un que tu as dans le collimateur? Dis-nous. Non, ma copine, tu devrais avoir fait. Ta copine, t'es avec elle depuis combien de temps? Ça va faire un an. D'accord, ok, très bien. Bon, eh ben écoute, on va l'appeler. Hein. Tu veux lui faire une déclaration d'amour ou une déclaration de rupture? D'amour. Oh, dommage. Parce que Julie, ça dit comme elle, elle dit « Ah, mais c'est génial, ah les déclarations non, justement, de rupture. » Moi, je veux que des déclarations d'amour. J'aime bien quand les gens pleurent. Non. Quand est-ce qu'on appelle ton mec pour rigoler un peu? Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Dès qu'elle décroche, tu dis que t'as un truc à lui dire et puis nous, on enchaîne. Allô? Coucou, mon amour. Ça va? Oui. Je vais te dire un truc, écoute. Magnifique musique. On est ensemble depuis bien un an. Et j'ai jamais osé te dire. Quand t'es pas là et que je pense à toi, mon boxer je le déchire. Oh j'aime, j'aimerais bien te dire des choses un peu plus romantiques, plutôt par SMS. T'envoyer bébé j'ai la trique. Oh, c'est pas possible. Pour faire tes non non, on mangera des frites. Tu joueras mon instrument de plus en plus vite. Voilà, déclaration express. Déclaration express en direct sur Fun Radio. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, c'est sympa. Et comment tu t'appelles là-bas? La copine, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Laurie. Laurie, bon alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite déclaration express faite par Geoffrey? Ah bah... T'es trop mignon. Non, bah, tu vois, génial. Il y a une petite gâterie ce soir. Alors qu'il faut quand même savoir que Julie, à chaque fois qu'on fait des garçons, c'est, tu sais, elle rigole, mais Julie, bah, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils disent encore? Dégueulasse. Alors que, voilà, au final, Laurie. Mais si ça plaît, c'est le principal. Hein, Laurie, ça t'a fait plaisir cette petite déclaration express. Bah bien sûr, c'est voilà. Mais du moment que c'est de l'amour aussi, ça passe. Mais oui, mais bien voilà. Sûr. Tu verras quand t'auras ta déclaration exprès, Julie. Ah, mais j'attends avec impatience. Elle va venir, t'inquiète. Ce sera le petit cadeau de la maison. Le cadeau en plus, tu vois. Il y a l'info en plus et là on fera le cadeau en plus. Voilà, tu vas voir. Bon, bah Laurie et Geoffrey, je vous fais des gros bisous tous les deux. Bonne journée à tourner alors. Merci beaucoup. Allez, à bientôt à vous deux. Bye bye. Ciao. Et puis on va revenir aussi dans un petit instant avec le petit déj service. Si vous voulez faire le petit déj service, inscrivez-vous 3044, débutez le message par DEJ, déj, donc avec votre numéro de téléphone. Et puis on vous rappelle, le principe du jeu est relativement simple, vous n'avez pas grand chose à faire, vous passez à l'antenne avec nous. Et puis bah, quand vous êtes à l'antenne avec nous, vous allez devoir jouer avec Toff qui va se faire passer pour un serveur avec plein de petits... J'ai déjà très très peur. Non, hier c'était une catastrophe. Oui, hier tout est tombé. Ouais. Donc avec des verres, avec des tasses, avec des couverts, bref, comme un petit plateau de petit déjeuner quoi. Il va devoir courir à travers tout le studio, donc faire un tour du studio complet, et vous allez nous dire combien d'objets va-t-il rester à la fin de son tour. Ne misez pas trop haut. Non bah je confirme. Donc si vous voulez tenter votre chance, 3044, débutez le message par Dej. Et nous on revient dans un petit instant avec les news qui arriveront d'ici 2-3 minutes. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Oh c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Mais j'espère bien, 8h29 sur Fun Radio. Bonjour tout le monde et bon réveil. Dans moins d'une heure maintenant, c'est Lucas qui va débarquer pour le self. Vous allez pouvoir faire la prog avec lui. On jouera aussi au petit déj service. Ça va arriver dans quelques instants sur Fun Radio. Donc restez là. On paiera encore une dernière fois vos factures. Vous pouvez vous inscrire au 6322 avec le code facture. Et puis vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture. 6322, c'est 1€ par message. Et on fera un tour du côté des factures d'ici quelques instants. Et attention, 8h30. Incroyable. Pile les infos avec Julie. Salut, salut à tous. L'emploi a progressé en Belgique. 270 000 personnes ont trouvé un boulot de 2005 à 2011, soit une augmentation de plus de 6%. Tous les chiffres sont positifs, mais problème, deux tiers de ces nouveaux emplois sont des titres et services et des emplois win-win. Ils sont donc payés à 60% par l'État. Un État qui va devoir se serrer la ceinture. Ces emplois pourraient donc disparaître. À Liège, un homme a été poignardé à la gorge alors qu'il prenait le bus. Son agresseur lui reprochait d'amener la poussette de son enfant avec lui. La victime, qui se trouvait avec son épouse et son enfant, a été injuriée par un autre passager qui considérait que la montée d'une poussette dans le bus lui faisait perdre trop de temps. La victime, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital. L'agresseur, âgé de 58 ans, arrêté par la police, a nié les faits, mais les témoignages ont pu le confondre. Le coût scolaire d'un enfant s'est élevé entre 1000 et 8000 euros pour l'année 2010-2011, tout niveau confondu. C'est ce qui ressort d'une étude de la Ligue des Familles, la Ligue qui constate toujours la non-application du principe de gratuité. Elle demande davantage de contrôle du décret sur les frais scolaires. Le patron d'un café anversois a pour la première fois écopé d'une amende de 250 euros à cause de ses clients qui fumaient leurs cigarettes sur le trottoir devant son établissement et qui faisaient trop de bruit pour le voisinage. Deux cafés de Coucolard en Flandre occidentale ont également été menacés de fermeture pour la même raison. Pour rappel, il est interdit de fumer dans tout l'Horeca depuis le 1er juillet dernier. Et puis, dépêchez-vous de commander vos pneus hiver. C'est le message des professionnels du secteur. Si l'hiver prochain est aussi rude que l'année dernière, les fabricants de pneumatiques savent déjà aujourd'hui qu'ils ne pourront pas répondre aux demandes massives. La demande pour des pneus hiver a augmenté de 30% en 2009 et de plus de 50% l'an dernier. La Formule 1 en Belgique, une fois sur deux, est plus qu'envisageable. Une alternance entre un Grand Prix en France et en Belgique une année sur deux est en discussion. L'alternance serait donc une solution pour que la Belgique garde un Grand Prix au sein du calendrier mondial. Et puis enfin en sport, les Diables Rouges n'ont pas réussi à s'imposer hier en Slovénie. Le score final est un nul, 0-0, malgré un but de Lukaku annulé pour cause de hors-jeu. 8h32, on fait un tour du côté de la météo. Les éclaircies seront de courte durée, les nuages reviendront par la côte pour atteindre le centre du pays. Des pluies seront possibles. Normalement, l'est et le sud de la Belgique seront épargnés. Température jusqu'à 24 degrés demain. Nuages et pluies au programme. Et dans moins d'une minute, on fait la blague du jour. Fun Radio. Mais avant ça, c'est l'info en plus. Bien récemment, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré les téléphones portables comme potentiellement nocifs. 5 jeunes étudiants autrichiens ont développé des sous-vêtements anti-radiation afin de se protéger des rayons émis par les téléphones mobiles et les ordinateurs portables. Ils vendent ces sous-vêtements à 29 euros. Bon, c'est bien parce qu'au final, après, tu pourras avoir des gosses, quoi. Tu ne seras pas irradié des testicules. Pas. Bonne idée. Ben, c'est ça, c'est finalement l'idée. Ça fait un petit peu peur quand même. On sera irradié de tout le reste, mais pas oui, des testicules. Oui, mais pas des testicules. Tu ne portes pas de caleçon, toi, Tof, ça ne te concerne oui, pas. Oui, c'est vrai. Moi, je porte des strings. Ouais. Voilà. Quelle horreur. Bon, on a Jérémy qui est avec nous maintenant pour la blague du jour. Salut Jérémy. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien aussi, hein, Jérémy, tranquille. Bon, alors, attention, tu as la blague du jour avant qu'on écoute PZK avec Doc Soso. Comment? Je disais que tu as la blague du jour. Ah oui, oui. Alors attention, on t'écoute pour la blague du jour. Attention, ça doit être lourd, ça doit être parfait. C'est maintenant, on t'écoute. Qu'est-ce qu'un squelette dans un placard? Ah moi je crois que je sais. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a gagné à cache-cache. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mickaël à la radio sur Fun Radio. Ah ouais, d'accord. Exactement, on est là tous les matins sur Fun Radio entre 6h et 9h30 avec vos messages qui arrivent en direct au 3044. Message qui est arrivé. Allô, attention, vous allez bien lire, j'ai une facture Belgacom de 852 euros, plus de boulot, frais de retard, help me fun please. Ce serait un super cadeau d'anniversaire. À défaut de solution, je tente Fun. Oui, bah tu as bien tenté. Malheureusement, on ne sait pas si on va pouvoir t'aider pour l'instant. Il faut qu'on t'y ressort avec tous les autres, évidemment. Par contre, la question, c'est comment as-tu réussi à faire pour avoir une facture de 852 euros de téléphone? Ça fait un petit peu peur, quand même. Franchement, faut faire attention, les amis. Non, mais je me demande. Oh là, t'es passé pour une mémé. Faut faire attention. J'ai pris la petite voix de attention, les petits. Mais oui, attention, les petits, quand même. Bon, allez, nous allons. On a un certain Maurice Noël au standard. Je sais pas ce qu'il veut. Bah, t'aider, peut-être. Ah, peut-être. Mais alors, vite fait. Hein. Bon, on va jouer maintenant au petit déj service. Petit déj service, c'est avec qui au standard? Bonjour. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Arnaud, bienvenue à toi Arnaud, tu es à quel âge, tu es dans quelle ville? J'ai 23 ans, j'habite Carnières, 23 ans, très bien, sois le bienvenu Arnaud. On va jouer au petit déj service. Le petit déj service, c'est facile. C'est Toff qui a un petit plateau de petit déjeuner avec une bouteille de Johnny Walker, une bouteille de bière, une bouteille d'Aristoff, une bouteille, une boîte, une sauce, un petit pot de taco sauce de l'aise. C'est pas mal, hein? Ouais. Pour un petit déj. Ouais. Bah c'est un petit déj, tu vois, c'est un petit déj pour te donner la. Tu vois, tout de suite la patate, quoi, ouais, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Bonne patate, hein. Il y a des verres aussi, bref, il y a 8 objets sur le plateau. Ouais. Après avoir fait le tour du studio, à ton avis, combien d'objets restera-t-il sur le plateau? 2. Ça me semble raisonnable, ouais. Ça me semble raisonnable, mais bon. Hier, voilà. C'était 3, hein, je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il en restait. Oui. Bon, alors attention, écoute bien. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. Ah oui, ça tient pour l'instant. Oh là, voilà. Ah oui, voilà, c'est le tournant. Ça fait mal. Non, pas mal. Oh, bien joué. Il en reste 7. Alors, évidemment, les bouteilles sont tombées sur elles-mêmes, mais elles sont sur le plateau. Elles sont sur le plateau, J'ai perdu qu'une bouteille. Donc, si la bouteille avait été fermée, ça aurait été gagné. Mais là, il n'y en a qu'une qui s'est cassée la tronche. Hein, et pour une fois, pas de casse. Il n'y a rien qui a pété en morceaux. Mais ça non, change rien. Ouais, je suis assez fier de moi aujourd'hui. Ouais, par contre, il y a eu une petite tricherie avec la main à un moment. Hein. Oui, je sais, mais c'était un réflexe. J'ai pas fait exprès. Normalement, on peut pas toucher avec la main, mais bon. J'ai pas fait exprès, c'était réflexe. Bon, ben, malheureusement, c'est perdu. Puisque bah il restait bien plus que 2 objets, hein. Exceptionnellement. Nous hein. sommes les premiers surpris. Ah, Julie, oui, moi, oui, c'est hein, ça. Donc, pour le coup, on pouvait pas savoir. Bon, en tout cas, passe une bonne journée à Carnières. À vous aussi. Et puis tu reviens quand tu veux. À bientôt. Hein. Ok. Au salut à toi. Ciao. Bye bye. Et puis vous aussi, si vous voulez participer au petit déj service, n'hésitez pas. Donc c'est Toff qui fait son ménage de bouteilles vides, hein. Il va aller à la bulle après. Je range, ouais, pour une fois qu'on a rien cassé. Mais oui, bah bien sûr. Si vous voulez vous aussi jouer au petit déj service, 3044, débutez le message par Dej, D-E-J, avec votre numéro de téléphone. Dans un instant, on fait un tour du côté du trafic avec l'infotrafic de Julie, la ligne anti-relou également, et la question qui colle, ça arrive dans un instant sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël. Réveille la Belgique sur Fun Radio. Et en tout cas, on essaye, 8h44. Bienvenue tout le monde et bon réveil. Si vous sortez du pieu là, mieux vaut tard que jamais. Hein. On fait un tour du côté de l'inforoute maintenant avec Julie. Eh bien, ça roule plutôt pas mal. Vous êtes quand même encore beaucoup en vacances. Par contre, ralentissement sur le 19 Machelon vers Anvers. Votre vitesse moyenne est de 30 km/h. Prévoyez déjà quand même un retard de 25 minutes. Mais tu as un bon accent, hein, dis. Hein. Allez, Machelon. Ah, Machelon, hein, dis, c'est quand même dans le pas mal. Hein. Écoute, bien, on fait ce qu'on peut. Hein. Et puis un radar aussi sur l'autoroute là. Mons tournait à hauteur de Maubray. On en avait parlé tout à l'heure, mais on sait jamais qu'il s'y trouve encore. Faisons un tour maintenant du côté de la ligne anti-relou. Vous en avez marre des mecs qui vous prennent la tête en soirée? Je sais que t'es belle. Vous en avez assez des meufs relous? J'ai pas fait mes ongles, je suis pas bien. Fun Radio crée l'arme ultime. La ligne anti-relou. 0473 86 0013. Fais passer. Eh oui, faites passer. Et puis nous, on passe les messages, évidemment. La ligne anti-relou, le numéro, donc, comme on l'a dit à l'instant, 0473 86 0013. Bah, Julie connaît bien le numéro. Hein. Ah bah, il faut le connaître. Il faut le donner à tous les relous. Exactement. Sauvons le monde des relous. Voilà, tout à fait. Le problème, c'est que Julie, maintenant, elle le confond avec son propre numéro et qu'elle le donne à tout le monde. C'est pour ça que j'ai plus aucun appel. C'est bizarre. Hein. Mais t'inquiète pas, je prends les messages pour toi. Ouais, t'inquiète, on fait secrétariat. Donc 0473 86 0013, la ligne anti-relou. Il faut donner ce numéro à tous les relous de la Terre. Dès que quelqu'un vient vous draguer, les filles ou même les mecs, ça peut arriver aussi, même si c'est plus rare. Vous donnez ce numéro de téléphone. La personne appelle, le relou appelle notre répondeur. Et nous, bien sûr, on passe les messages. Écoutez bien le premier. Et dis donc, Micheline, arrête pas de te sonner, messagerie. Dis donc, Micheline, réponds-moi. Fais-moi un signe, un geste, quelque chose. Et Johnny fera le reste. Micheline, c'est Johnny. Rappelle-moi, moi. Et on a passé un sacré moment. Ouais, bah, quand j'ai dansé avec toi, tu sais, j'ai ressenti le feeling qui rentre entre nous deux. Ah oui. C'est pour moi, Micheline. Oui. Ne me quitte pas, Micheline. Oui. Quelle chanson? Love Kiss. Love Kiss, quel regard. Il a chopé les paroles d'une chanson. Oui, mais c'est ça, à mon avis, il a dû faire ça. Bon, allez, on écoute le deuxième message qui est arrivé sur la ligne anti-relou, le 0473 86 0013. Allô, Catherine, est-ce que je me pouvais ranger? Ah oui, c'est le suicide. Je voudrais simplement savoir quand on pourrait se voir. Parce que tu veux qu'on se voit, mais quelque chose pour qu'on se donne rendez-vous. Téléphone-moi, s'il te plaît, téléphone-moi. Pas bien. J'ai envie de te connaître aussi. Ce serait super de se connaître, non? S'il te plaît, téléphone. Surtout après 19h, parce que je travaille. Je travaille. S'il te plaît, téléphone. Oui. Il est décédé. Bon, bah voilà, donc lui c'était Suicide Man, hein, donc bon, rassurez-vous. Mais comment tu veux vouloir rappeler un mec pareil? C'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut se dire qu'on a envie? Mais oui, il est déjà au bord de la déprime, le gars, donc t'as pas envie de l'appeler. Tu te dis, il va me prendre un jambe pendant 3 heures encore. Tu vois le genre tomber. De dépressif qui te parle de tous ses problèmes. Exactement, là, et qui t'écoute pas. Allez, troisième et dernier message. Tu as déjà vécu tout ça. Troisième et dernier message de la vie anti-relou. Bonjour. Eh oui, c'est les pervers. C'est Gilles. Oui. On s'est rencontrés la semaine dernière, mais je ne sais pas quand tu pourras me rappeler. Je suis totalement perdue. Mais oui. Merci. Rappelle-moi beaucoup. Merci beaucoup. Rappelle-moi beaucoup. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos messages à Julie. Ou pas. Ou l'appeler directement sur son répondeur. Non, on est pervertis, quoi. Non, non, bonjour, non. Julie. Tu sais que tu as une belle voix quand tu fais les infos. Mais nickel, mais tu es un pervers, toi aussi. Tu sais que je me gratouille pendant que tu fais les infos. Tellement ta voix est c'est excitante. C'est ça que tu fais avec ta main, sur la table. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui, on pense très fort à toi. Mais tout à fait. Ça ne m'étonne pas de vous. Bon, la ligne anti-relou reviendra dès demain, évidemment. 0473 86 0013. Si jamais vous avez envie de faire partager justement ce beau numéro, n'hésitez pas, bien entendu. La question qui colle maintenant, attention, écoutez-la bien. Pourquoi la duchesse d'Alba 85 vient de renoncer à sa fortune estimée à 3,5 milliards d'euros? Ah, Julie a la réponse. Mais oui, mais j'ai la réponse. La réponse. Si vous avez la réponse, c'est une vous jolie aussi. Réponse. Oui, si vous avez vous aussi la réponse, n'hésitez pas, il y a des cadeaux pour vous. 30,44 par SMS et 50 centimes le message. Pourquoi la duchesse d'Alba 85 vient de renoncer à sa fortune estimée à 3,5 milliards d'euros? Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Shakira avec Pitbull à l'instant, c'était Rabiosa. Et puis restez là, il y a Enrique Iglesias qui arrive dans un instant avec Usher et Lil Wayne. Ce sera Dirty Dancer. Il est 8h52. Bonjour tout le monde et bon réveil. Mickaël à la radio encore pendant pendant une grosse demi-heure avec les infos qui vont arriver. La réponse également à la question qui colle. La question qui colle, je vous la rappelle maintenant. Pourquoi la duchesse d'Alba 85 vient de renoncer à sa fortune estimée à 3,5 milliards d'euros? Si vous avez la bonne réponse, 3044, vous envoyez la bonne réponse justement, il y aura des cadeaux pour vous. Un petit indice éventuellement, Toff, qui a la réponse sous les yeux? Un petit indice stupide. Oui, voilà, c'est ça. Stupide, je pense, qu'est un bel indice, effectivement. Bon, Toff, tu sais que les auditeurs se trouvent dégueulasses. Hein, Bah pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je trouve que c'est pas bien de vouloir tuer sa grand-mère, parce que Toff, depuis tout à l'heure, essaye de faire ça. Hein. Oui, mais c'est pas vraiment la mienne. Et puis bon, ils disent ça parce que la leur, elle a pas un rond. Non, parce que si on regarde dans l'histoire des meurtres pour toucher l'héritage, il y en a plus d'un. Oui, non, mais d'accord, mais tout ça parce que t'as vu qu'il y a une mamie qui a demandé à son petit-fils de la holdnapper. Voilà, hein, c'est kidnapping en fait, mais pour les enfants, voilà. Et donc un holdnapping, c'est pour les vieux. Voilà, donc elle a demandé à se faire enlever de son home où elle avait été placée par sa famille pour retourner chez elle. Voilà. Bah, du coup, j'essaie de voir si c'est pas plus facile de se séparer d'une personne âgée que de s'encombrer à lui offrir la maison de retraite. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on appelle où cette fois-ci? À Petit-Voir. Petit-Voir, c'est où? Petit, je ne sais pas. Ah, je sais pas, moi j'ai pris l'ordre des vétérinaires, il y a un mec à Petit-Voir, on va l'appeler. C'est où Petit-Voir? Je sais pas moi. En Belgique. Non, ça je me doute, mais si vous savez où c'est, hein, je crois que c'est pas de Soigny, je crois, mais. Ah d'accord, ok. Attends, bon. je demande à mon ami Google. Bon, ouais, la dernière fois il m'a un peu planté, mais. Ouais, bah demande à ton ami Google et puis c'est pas grave. En attendant, on va pouvoir composer le numéro. On va donc chez un vétérinaire à Petit-Voir maintenant. Attention, c'est parti. Ça va, t'as la réponse ou pas? De Petit-Voir, attends. Non, bah tu vas me dire après, tiens. Voilà, ça sonne. Oui, allô, bonjour. Vous êtes le vétérinaire? Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous pratiquiez les euthanasies. C'est un jeune chien, un vieux chien? C'est une vieille chienne. Qui est vraiment plus en forme, quoi. Oui, voilà, non, pas du tout, pas du tout. Mais elle a du mal à partir. Hein. Et Oui, je comprends. Voilà. Oui, je pratique, mais aujourd'hui, je ne suis pas là à la maison pour le moment. Mais si vous voulez, demain, il n'y a pas de souci. Oui, oui, enfin, elle a l'habitude de faire sa sieste vers les 16 heures. Donc, si vous pouviez passer à ce moment-là, comme ça, on règle ça tout de suite, quoi. Mais je peux passer demain vers 16 heures. Bah écoutez, ce serait parfait comme ça, voilà, elle fait sa sieste, on fait ça tranquillement, et puis Et puis comme ça, moi, je pourrais aller voir le notaire pour arranger tout ça, quoi. Le notaire? Oui, le notaire. Là, il tilte. Je suis vétérinaire. Hein. Oui, j'ai bien compris. Hein. J'ai bien compris. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Ça marche aussi. Oui, mais moi, je fais juste de la vie de chien. Hein. Ah, mais écoutez, peut-être que je pourrais le faire moi-même, si vous m'expliquez. Ah non, ça tourmente pas. Bah, en même temps, si je lui mets un costume de chien, ça peut passer. Ah, rien du tout. Non, ça, je ne peux pas. Costume de chien. Mais si vous m'expliquez, je fais moi-même, vous me donnez les produits. Non, et puis les produits sont des produits spécifiques pour ça, c'est des produits qu'on doit avoir dans une pharmacie spécifique et tout est compté, décompté. Mais peut-être que si je partage l'héritage, parce que quand même, elle m'aimait un bel héritage, vous savez. Je m'en fous, ça ne marche pas. Allez, je vous laisse, au revoir. Ah bah c'est raté hein. C'est raté. Je suis déçu parce que je sentais qu'on avait un bon feeling. Ah ouais, mauvais feeling. Bon, il y a un message qui est arrivé de David de Bollem qui dit petit voir, c'est du côté de Neuchâtel en Ardennes. Donc, tout à fait, c'est le travail m'attend. Voilà. C'est entre Bertré et Neuchâtel. Voilà, c'est ça. Et l'archi aussi qui dit c'est près de Neuchâtel, bande de naze, et moi je suis l'Olivier. Oui bah tant mieux. Hein. Voilà, tant mieux pour toi. Bon allez, dans un instant, les infos arriveront, la réponse à la question qui colle. Et Enrique Iglesias qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, c'est Dirty Dancer. Bonjour et bon réveil tout le monde, il est 8h56. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Il est 8h59 sur Fun Radio, on va donner maintenant la réponse à la question qui colle. Question qui colle, nous avons qui avec nous au téléphone? Nous avons Ryan. Ryan? Bonjour, salut. Salut Ryan, comment vas-tu? Ça va. On dit Ryan ou Ryan? Ça m'est égal. Comme tu veux, écoute, alors d'accord, hein, pas de problème, pour moi c'est le même. Oui, c'est ça. Bon, Ryan, alors, tu as la réponse donc, pourquoi la duchesse d'Alba 85 vient de renoncer à sa fortune de près de 3,5 milliards d'euros? Pour l'homme qu'elle aime. Eh oui, mais quelle belle raison, stop, vous dites que c'est stupide. Non, je suis désolé, attends. Donc elle a décidé de renoncer à l'intégralité de sa fortune pour pouvoir se marier avec l'homme qu'elle aime. Et donc, parce qu'ils sont pas dans le même rang social, oui, tu m'étonnes. Parce que les enfants étaient contre ça, ils pensaient que l'homme en voulait à son argent. Et la preuve, elle renonce à tout, et lui, il l'épousera quand même. Voilà, s'il en voulait qu'à son cul. Et ce qui est bien, c'est si on en croit le Guardian, en fait, elle aurait donné à ses enfants et les petits-enfants un palais chacun. Je voulais juste me rappeler. S'il a un palais en trop. À mon arrière-grand-mère, la duchesse. Lui rappeler que j'étais toujours en vie. En cherchant bien, il y aura peut-être un lien de parenté. Quoi. Non, mais c'est Alzheimer, elle se souvient plus. Oui, mais... c'est ça, ouais. Bon, enfin, 3,5 milliards, elle donne tout. Tu me diras 85 ans, mais elle peut encore vivre 15 ans, hein, ou même plus. Bah, écoute, elle vivra d'amour et d'eau fraîche, c'est pas super, plus mal. Hein, bah, dis donc, en général, cela meurt. Hein. En général, ils vivent pas très longtemps, mais bon. Bon, bah, bravo à toi en tout cas. Tu retournes au standard, on prend tes coordonnées, on t'envoie les cadeaux très vite. Ok, merci. Passe une bonne journée, à bientôt. Salut Ryan. Salut à toi, ciao Ryan, bye bye. 9h01 sur Fun Radio, un petit peu en retard, mais ça va, la moyenne est quand même relativement positive. Voilà. Non, attends, je peux pas te laisser dire ça. Deux fois on est à l'heure ce soir. Ce matin. Ce soir, ouais, tu ne sais plus où tu es. Mais ça fait 10 ans que je fais le soir, alors il faut que je m'habitue un peu. Bon, 9h01, c'est parti, les infos avec Julie. Salut à tous, l'emploi a progressé en Belgique. 270 000 personnes ont trouvé un boulot de 2005 à 2011, soit une augmentation de plus de 6%. Tous les chiffres sont positifs, mais problème, 2/3 de ces nouveaux emplois sont des titrés services. C'est des emplois win-win. Ils sont donc payés à 60% par l'État. Un État qui va devoir se serrer la ceinture. Ces emplois pourraient donc disparaître. À Liège, un homme a été poignardé à la gorge alors qu'il prenait le bus. Son agresseur lui reprochait d'amener sa poussette avec lui. La victime, qui se trouvait avec son épouse et son enfant, a été injuriée par un autre passager qui considérait que la montée d'une poussette dans le bus lui faisait perdre trop de temps. La victime, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital. L'agresseur, âgé de 58 ans, a été arrêté par la police. Il a nié les faits, mais les témoignages ont pu le confondre. Habiter dans une prison sera peut-être bientôt possible. La région bruxelloise envisage d'aménager plusieurs prisons à Bruxelles, devenues vétustes, pour les transformer en logements. Une fois que la nouvelle prison de Haren sera opérationnelle, le projet n'en est qu'à ses débuts, mais la région a lancé un appel à projet pour créer des logements, des commerces de proximité et des crèches dans ces différentes prisons. Le coût coût scolaire d'un enfant s'est élevé entre 1 000 et 8 000 euros pour l'année 2010-2011, tout niveau confondu. C'est ce qui ressort d'une étude de la Ligue des familles. Les frais liés au matériel scolaire, au voyage, au repas ou à la remédiation sont pointés du doigt. La Ligue, qui constate toujours la non-application du principe de gratuité, elle demande davantage de contrôle du décret sur les frais scolaires. Le patron d'un café anversois a pour la première fois écopé d'une amende de 250 euros à cause de ses clients qui fumaient leurs cigarettes sur le trottoir et qui faisaient trop de bruit pour le voisinage. Deux cafés de Coucolard en Flandre orientale ont également été menacés de fermeture pour la même raison. Pour rappel, il est interdit de fumer dans tout l'Horeca depuis le 1er juillet dernier. Et puis dépêchez-vous de commander vos pneus hiver, c'est le message des professionnels du secteur. Si l'hiver prochain est aussi rude que l'année dernière, les fabricants de pneumatiques savent déjà aujourd'hui qu'ils ne pourront pas répondre aux demandes massives. La demande pour des pneus hiver a augmenté de 30% en 2009 et de plus de 50% l'an dernier. Et puis enfin en sport, les Diables Rouges n'ont pas réussi à s'imposer hier en Slovénie. Le score final est d'un nul, 0 partout, malgré un but de Lukaku annulé pour cause de hors-jeu. 9h04, c'est l'heure de faire un tour du côté de la météo. Les éclaircies seront de courte durée, les nuages reviendront par la côte pour atteindre le centre du pays. Des pluies seront possibles, normalement l'est et le sud du pays seront épargnés. Température allait quand même jusqu'à 24 degrés, par contre demain, pluie et nuages au programme. Et l'info en plus va débarquer d'ici quelques instants, on paiera les factures également d'ici 5 minutes. Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Exact. Et à 9h05, c'est l'heure de l'info en plus. Eh bien, d'après une étude de l'université de Pennsylvanie, on n'est pas heureux de Pennsylvanie. On n'est pas de Pennsylvanie. J'ai un petit peu du mal ce matin. Mais on n'est pas donc tous heureux de la même façon à tous les âges, ce qui paraît normal. Enfin bon, maintenant c'est confirmé. Ce qui rend les jeunes heureux n'a rien à voir avec ce qui crée le bonheur des personnes âgées. Les jeunes affirment que le bonheur dépend de leur activité, un bon job, des amis fiables et des activités en dehors du boulot. Quant aux personnes âgées, elles affirment que leur bonheur est lié à la situation au quotidien, à la qualité de leur routine. Ce qui est normal, évidemment, bien entendu. Bon, l'info en plus reviendra demain, bien sûr, à partir de 6h. Et puis, restez là aussi, puisque dans moins de 5 minutes, on paye vos factures. Et pour avoir une chance vous les faire rembourser, ces factures, faut vous inscrire 63-22, débuter le message par facture, puis vous laissez le montant de la facture avec l'objet de la facture. Et si on vous rappelle dans 5 minutes et que vous décrochez, on vous rembourse la facture. Voilà, 63-22, c'est 1€ par message. Et David Guetta, Nicki Minaj in Florida, ça arrive avec Wear Them Girls Hat sur Fun. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Tous les matins, on est là sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous. En direct, 9h09. Bonjour tout le monde. Il y a DJ Flash avec Kevin Mengi qui vont arriver. Ce sera la vie des DJ. Et puis, dans moins de 20 minutes maintenant, c'est Lucas qui va débarquer. Comme tous les matins, 9h30 avec le self de l'été. Vous allez pouvoir choisir vos morceaux et faire la prog avec lui. Pour vous inscrire, 3044, débutez le message par self. En toute simplicité, bien sûr. Bon, il est 9h09. Et donc, c'est le moment de faire péter les factures. Et pour faire péter les factures, il faut d'abord, bien évidemment, que je mette le jingle de la facture. C'est normal. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Voilà, le concept est facile. Vous vous inscrivez au 63-22, débutez le message par facture, impérativement. Vous laissez le montant de la facture à vous rembourser ainsi que l'objet de la facture. Et puis on vous rappelle si vous êtes tiré au sort. Pas plus compliqué que ça. Allez, non, c'est parti. C'était très simple. Oui, bah, c'était relativement simple. Hein. Par contre, vous avez des factures bien bien chères. Hein. Alors, il y en a par contre. Ils se lâchent. Il y en a, ça va. Il y en a, ils se lâchent. Bon, de toute façon, on s'en fout. C'est pas nous qui choisissons. Hein, c'est pas ça le problème. Mais il y en a qui vont. Hein. Mon assurance voiture, hein, près de 1000 euros. Ah oui, quand même. Hein. Cher la voiture. C'est le prix de la porte de la voiture de Julie. Exactement. Mais donne-moi tes 978 euros. Je les prends. Bon, allez, c'est parti. On appelle qui? On appelle pourquoi? Allô. Allô. Bah voilà. Tu en appelles qui? Bonjour. Comment tu t'appelles? Claudine. Plus rapide que l'éclair, Claudine. Ça n'a même pas eu le temps de sonner que directement tu es à l'antenne. C'est magnifique. Et Claudine qui rit quand on l'a. Enfin, bah, bon. Je ne sais pas. Claudine, tu as quel âge? Merci. Pardon. Claudine, le monsieur te demande quel âge as-tu? 39. 39 ans. Très bien. Très elle bien. A dû en voir passer quelques-unes. Oh, tof. Bon, quand même, ouais. Claudine, bah oui, je me doute. Bon, Claudine, tu voulais qu'on te rembourse une facture, mais de quel montant et pourquoi? Une facture de 89 euros. 89 euros, qu'est-ce que ça peut être? 89 euros, le téléphone? Non. Non, 89 euros, internet, bon, c'est cher quand même. Hein. Non, je sais pas, une amende, ouais, un GSM ou une amende? Non. Non, bon, c'est quoi? De la lingerie. Oh, de la lingerie. C'est plus sexy. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui. Est-ce que je peux venir moi-même te déposer que, ça rimait avec. Mais oui. Enfin bon. Est-ce que je peux venir moi-même te déposer éventuellement le chèque? Mais oui, monsieur. Oh, pas que de problème. Que je vois ce qu'on paye. Mais oui, mais je vais venir moi-même. Je donnerai mon avis sur la lingerie. Ça va, ok, pas de problème. Mais parfait. Bien, ouais. Eh bien, bonne journée à toi. Oui, merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Salut Claudine. Elle lui a cassé le délire. Salut Claudine. Hein, moi je remets les choses en place direct ici. Pourquoi tu es jalouse que je lui parle, elle est pas à toi, Julie? Avec sa voix de pervers, je suis pas sûre que je sois vraiment jalouse. Sinon tu me demandes, tu n'hésites pas. Ce qu'on sait pas avec Claudine, c'est si c'est pas trop frippé quoi. Oui, bah ça va, 39 ans, voyons. Voilà, Top aussi remet les choses à leur c'est place. C'est ça, l'autre il est trentenaire là, alors que c'est sur Alice quand même. Bon allez, DJ Flash, on écoute ça maintenant sur Fun Radio avec Kevin Mengi, c'est la vie d'un DJ. 9h12, bonjour, bon réveil. Dans un instant, avec du retard, mais c'est pas grave, ce sera Doudou pour la dernière fois. DJ Flash à l'instant sur Fun Radio à 9h15 avec Kevin Mengi, c'était la vie d'un DJ. Tous les matins sur Fun Radio, c'est Mickaël à la radio et on va taper l'horoscope maintenant avec Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Exactement, l'horoscope, donc c'est parti avec Doudou qui est de nouveau prêt. Vous êtes prêt pour l'horoscope? Oh, excusez-moi, Doudou, je vous ai pas fait parler là. Bah oui, moi je suis toujours prêt, mais c'est vous qui êtes pressé, je comprends pas. Bah justement, là on perd pas de temps, on va y aller directement là. Les béliers, allez hop là. Ah oui, quand je dis que vous êtes pressé. Alors les béliers, ce soir tout ira mieux et vous serez de meilleure humeur. Très bien, les taureaux. Une balade à la campagne avec votre partenaire ou votre famille, ça vous fera le plus grand bien aujourd'hui. Ouais, bah vous, ça vous fera le plus grand bien d'arrêter aussi aujourd'hui, hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, les gémeaux. Alors tenez le coup, vous êtes presque au bout de vos peines. Allez faire un tour pour vous changer les idées. Les cancers. Pensez positif et poursuivez votre chemin, d'accord? Je suppose, hein. Les lions. Grâce à votre sens de la diplomatie, vous éclaircissez des malentendus au sein de votre famille. Très bien, les vierges. Laissez-vous aller et barrez la route au stress de votre quotidien. Les balances. Réglez le plus rapidement possible vos tâches pour passer une soirée paisible. On enchaîne avec les scorpions. Vous avez attendu assez longtemps un jour comme celui-ci et votre patience va être récompensée. Les sagittaires. Si vous avez le sentiment que vous pouvez déplacer des montagnes, eh bien faites du sport, hein, parce que moi je pouvais pas. Oui, va faire du sport, j'imagine. Les capricornes. Ce n'est pas toujours facile de concilier raison et sentiment, mais en même temps personne vous a demandé. Vous a demandé d'eux ? Vous a demandé de concilier raison et sentiment. Ah oui, mais d'accord, bien sûr. Faut suivre un peu les Verseaux. Attendez, là, je comprends pas. Vous parlez trop vite pour moi. Les Verseaux. D'accord. Alors, ne prenez pas tout au pied de la lettre, surtout en un mot. Mais non, elle a dit des choses, j'ai pas compris. Oui, oui. Bah, c'est poisson maintenant. Non, bah, répétez Verseaux, là. Vous avez parlé, on a rien compris. Ah bah, oui, alors, Verseaux, ne prenez pas tout au pied de la lettre, surtout en un mot. Très bien. Les poissons pour finir. Votre ego vous pose parfois des problèmes. Oh. Alors, soyez plus ouverts. Voilà, voilà. Merci Doudou d'être venu. Rendez-vous demain. Bah oui, avec plaisir. Pour un nouvel horoscope, bien entendu. Jessie J, on va écouter. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, demain est vendredi. Oui, demain, je fais un spécial week-end. Ah bah, génial. Bon, bah, Jessie J, je suis impatient d'être là. Moi aussi. Jessie J avec B.O.B, c'est Price Tag sur Fun. Nickel. À la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Jessie J sur Fun Radio avec B.O.B. C'était Price Tag. Il est 9h21. Bonjour tout le monde et bon réveil. Nous allons dans quelques instants appeler la B. Bien sûr, on va essayer. En tout cas, la B qui fait la libre antenne le soir avec Vince et Nabil. Parce que c'est son anniversaire. Quel âge il a? 63 ans, je crois. Ah oui, il est plutôt jeune, la B. Ah, il est plus jeune du tout. Moi, j'ai appris que la B était plus vieux que moi. Ah oui, il est bien vieux, la B. Et hein. ça m'a fait un choc quand j'ai appris ça. La B, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il fait la libre antenne. Et pour ceux qui n'écoutent pas le soir, on sait jamais. C'est celui qui a fait les Miss au Choupa Choups, la B2C. Voilà. Bon, on va dans quelques instants donc l'appeler en direct. On écoutera également la nouvelle parodie de l'émission, la tuerie monumentale. Tout le monde en parle. J'ai même appris que d'autres animateurs radio de d'autres radios nous écoutaient et étaient fans de l'émission. Ça ne m'étonne pas. Ah oui. Mais est-ce qu'il se passe notre chanson en boucle? Ah non, mais ce serait pas mal. Hein. Voilà, donc on l'écoutera tout à l'heure évidemment. Et puis avant ça, vous savez que c'est la crise, hein, Julie qui fait les infos évidemment, on parle souvent. Il y a eu beaucoup d'argent perdu. Et donc comme c'est la crise dans toutes les bourses du monde, ce matin on a décidé de recevoir un spécialiste, Jean-Charles Van Den Stock, trader à la Fist First Bank. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Oui, mais dépêche-toi hein, parce que la bourse elle va ouvrir là.

bah ouais, je sais. Ça fait crédible ? Non, pas des masses. Tous les matins sur Fun, on est là en direct, 9h28, et c'est le moment d'appeler notre ami l'abbé maintenant. L'abbé donc qui fête son anniversaire aujourd'hui, l'abbé qui fait la libre antenne le soir à partir de 20h avec Vince sur Fun. Donc bah l'anniversaire de l'abbé, ça se fête, et donc on va l'appeler. Allez, c'est parti. L'abbé seul. Sans répondeur. Oh merde, bon anniversaire l'abbé, hein, oh, on t'appelait oui. En direct dans le boarding de Fun. Oh c'est dommage, j'ai une petite surprise pour toi, écoute bien, regarde. Enfin, ah, marche pas. Et d'abord c'était bien ma veine ça tiens. Le truc fonctionne pas, d'ailleurs pourquoi y a pas de son? Oh j'avais prévu une petite chanson et tout, je suis déçu. C'est une petite chanson d'anniversaire. Une chanson d'amour. Ah ouais, je suis vraiment déçu là. Attends, je vais voir si je l'ai pas dans la machine, on sait jamais quand même. Ah je suis vraiment très très déçu hein. Ouais bah je l'ai pas dans la machine, on me l'a enlevé. Ouais, quelqu'un m'a piqué. Ah bah voilà, c'est génial. Il va falloir que tu chantes. Ah, si ça avance. C'est bon, je l'ai. Alors attention. Ah, t'es sauvé. Voilà, et oui, je sais. Bon anniversaire, l'abbé. Écoute ça, l'abbé, c'est rien que pour toi. Ah non, pas du tout, c'est pas celui-là. Ça pourrait être pas mal aussi, hein, un petit réveil en fanfare, pourquoi pas. Non seulement quelqu'un me l'a volé, mais en plus ils m'ont transformé le son avec cette espèce de trompette ridicule. C'était pas ça que je voulais faire, mais bon, bah tant pis, hein, c'était tant pis. Désolé. Bon anniversaire l'abbé. Tu mais vois, des, pour, ton, l'abbé. Pour ton nouvel âge, tu nous portes la poisse. On a voulu envoyer un son, ça n'a pas marché. Bon, ben rendez-vous ce soir avec l'abbé et Vince et Nabil aussi également dans la libre antenne à partir de 20h. Et puis, bah, Julie va te souhaiter un bon anniversaire également. Happy birthday, l'abbé. Ouais, tu entends cette voix, l'abbé, il faut que tu viennes le matin à partir de 6h. Elle est disponible pour toi. Viens nous voir, l'abbé. Mais oui, tu vois, elle te demande. Bon, dans un instant, c'est Lucas qui va débarquer avec le self, évidemment, comme chaque matin. Salut tout le monde, ça va bien? Ça va, super, il fait beau, t'as ça l'air a bien d'avoir bougé. De temps quand même aujourd'hui. Vous trouvez mieux peut-être, hein? Ouais, ça va. Morning, on est au taquet. Ouais, non, mais ça va, hein. Nous on est au taquet là, tout va bien. Bon, voilà, on revient demain, nous, à partir de 6h. Je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire au 6322, débuter par facture. Si vous voulez qu'on vous paye, rembourse plutôt une facture, vous mettez dans le message le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Demain, on remettra le couvert aussi, bien évidemment, avec la ligne anti-relou, avec les factures, je viens de le dire, avec la déclaration express, l'horoscope, tout sera là bien évidemment. À demain, Tof. À demain. À demain, July. À demain. Très bien. Et puis, Lob également demain pour les déclarations express. Voilà. Oui. Et le self arrive dans un instant. Ne bougez pas de là. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde. Il vous manque déjà. Mais c'est impossible. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.